À droite, une porte qui doit ouvrir sur la salle à manger. À gauche, une autre porte dont on ignore l'utilité. Au fond, entre deux hautes fenêtres, une porte vitrée donne sur la cour. Madame de La Fontaine est là, qui brode. On ne voit qu'elle. Un large et haut fauteuil est tourné vers la cheminée où flambe un feu de bois. Des cloches au loin disent qu'il est 11 heures. Martine, la servante, ouvre la porte de gauche et passe la tête. C'est bien 4 couverts qu'il faut mettre, madame? Oui, 4. Et que l'on fasse griller du pain pour monsieur Poignant. Bien, madame. Martine a refermé la porte. Un instant plus tard, monsieur le capitaine Poignant franchit la grille là-bas, tout au fond, et la referme derrière lui. Puis il traverse à grands pas la cour et paraît sur le seuil de la porte qu'il a brusquement ouverte. Tu es seul? Non. Jean de La Fontaine, qui se trouvait dans le fauteuil tourné vers la cheminée, se dresse. Non, je ne suis pas seul. Ma femme est là aussi. Et ma foi, c'est une idée, cela, tutoyons-nous. Nous sommes presque cousins et nous sommes de vieux amis, n'est-ce pas? Eh oui. Eh bien, tutoyons-nous. Comment vas-tu? Bien. Il n'est rien arrivé de nouveau? Non. Quel temps fait-il? Pas mauvais. Tu sais que je dormais et que tu m'as réveillé en ouvrant si brusquement la porte. À quelle heure déjeunons-nous? Pas avant midi. D'ailleurs, il faut que nous attendions que mon oncle soit là pour nous mettre à table. C'est le moins que nous puissions faire, en effet. Eh bien, alors, Poignant, veux-tu que nous nous promenions tous deux pendant quelques minutes? J'ai besoin de me dégourdir un peu les jambes. Mes genoux me font mal. Veux-tu? Avec plaisir. Vous remarquez, n'est-ce pas, ces réponses? Oui, non, pas mauvais, avec plaisir. Il évite d'employer le tutoiement. C'est lui qui en a eu l'idée, et voilà maintenant que ça le gêne. Ça arrive souvent ainsi. Il faudra que tu t'y fasses, mon cher. Il faut apprendre à se faire à bien des choses dans la vie. Allons, je prends mon manteau et je t'attends dans la cour. À tout à l'heure. Oh, mon Dieu, quelle folie vous avez commise. Vous aviez tellement l'air d'être seul. Je l'étais tellement. Mais croyez-vous qu'il se soit rendu compte que c'est à moi que vous parliez? J'ai été si saisi quand j'ai entendu sa voix et que tout à coup je l'ai vu se dresser devant moi que, ma foi, je ne saurais vous répondre. Il nous a regardés en souriant. En effet. Et c'est justement cela qui m'effraie. Dormait-il réellement? Oh, cela, comment voulez-vous que... Était-il silencieux depuis longtemps? Depuis plus d'une heure. Ah! Oui, mais ça ne prouve pas qu'il dormait. Enfin, dans un instant, je vais être fixé. Tout à l'heure, je vous renseignerai. Oui, mais je vous en prie, méfiez-vous bien des questions qu'il vous posera. Ne vous laissez prendre à aucun piège. Ne craignez rien. Il faut tout craindre avec un tel homme. Et tout espérer. Mais quoi qu'il arrive, puis-je compter? Je suis à toi. Mais je vous en supplie, ne nous tutoyons jamais dans cette maison. Je t'en fais le serment. Merci. La fontaine paraît alors dans la cour et vient frapper à l'une des vitres de la porte. Il vous appelle. Allez vite. Tu m'aimes? Je t'adore. À ce moment, l'oncle Jeannard, venant de la ville, a rencontré Jean dans la cour et lui a serré la main. Celui-ci, maintenant, lui ouvre la porte et le fait entrer. Tenez-lui compagnie, mon bon oncle, voulez-vous? Nous serons de retour dans 10 minutes. Tu viens, Poignant? Je viens. Bonjour, monsieur Jeannard, à tout à l'heure. Où vont-ils tous les deux? Je l'ignore. Bonjour, mon oncle. Vous allez bien? Oui. Il ne fait pas très chaud dehors. Chauffez-vous. Eh bien, et comment va le ménage? Bien. Mais pas très bien. Oh. Quoi? Comment voulez-vous que les choses aillent très bien avec un homme fait de la sorte? L'étrangeté de son caractère rend tout commerce difficile. On ne sait jamais ni ce qu'il veut ni ce qu'il pense. Le sait-il lui-même, d'ailleurs? Oh, je n'aurais pas une réponse aussi précise. Ah. Non. Je te trouve bien nerveuse et ton visage est tourmenté. Rien de nouveau n'est arrivé? Non, non, rien du tout. Tu t'es marié trop jeune et trop rapidement. Ah, j'avais prévu tout cela. Et quand j'ai supplié ton père de ne pas tant se hâter, il aurait dû m'entendre et suivre mes conseils. Jean est un être délicieux et remarquablement doué, mais Singulier, certainement. C'est un homme... C'est un homme, mon oncle, dont l'égoïsme semble augmenter chaque minute. Je vous jure qu'il est décourageant. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de vivre dans l'intimité de cet homme qui ne veut rien faire comme tout le monde. Si je vous disais que je le considère parfois comme un fou... Oh, là, tu vas peut-être un peu loin, non? Non, non, mais je m'exprime mal, car je ne suis ni sotte ni méchante, et je reconnais tout ce qu'il y a en lui de grâce, dans sa lourdeur même. J'apprécie comme il faut le charme de son intelligence. Mais sitôt qu'un jugement sévère me vient à l'esprit, j'ai honte à le formuler. Mais cependant, je ne puis vous dissimuler, à vous que j'aime et qui m'aimez, l'angoisse perpétuelle dans laquelle je vis. Je ne le comprends pas. Voilà un homme dont chacun s'accorde à louer les dons et qui pourtant ne veut rien faire. Car dans le fond, il ne s'intéresse à rien, sinon à ses lectures. Or, il a 35 ans, il pourrait faire quelque chose. Songez qu'il reste parfois des heures entières, le regard fixé sur un coin du tapis. Oh, et puis on ne sait jamais s'il dort ou s'il est éveillé, et cela, c'est exaspérant. Ou bien il est prostré, ou bien il récite tout haut l'ode de Malherbe sur la mort d'Henri IV. Que direz-vous à ce futur? Ouais, ah, ces vers-là, voyez-vous, je ne peux plus les entendre. Pendant le jour, il est distrait, soucieux ou absent. Et pendant la nuit, il travaille, dit-il. À quoi, ça? Il m'a dit qu'en ce moment, il traduisait l'Eunuque de Terence. Ouais, c'est possible. Pourquoi fait-il cela? On n'en sait rien. À 30 ans, tout à coup, il lui a plu de recommencer ses études. Non, ça n'est pas un homme normal, je vous assure. Quant à sa conduite au dehors, je vous prie de croire, bien qu'il la veuille mystérieuse, les personnes que je reçois et qui sont au courant de tout ce qui peut se passer dans une ville comme Château-Thierry ne manquent pas de me renseigner sur les aventures qu'il lui plaît d'avoir, à droite, à gauche, partout. D'ailleurs, c'est bien simple, il n'a rien changé à sa vie. Elle continue d'être ce qu'elle était lorsque nous nous sommes rencontrés. Dans chaque rue de la ville, il y a un mari trompé. Même dans votre rue, à vous? Mais je... Non, mais je crois que tu exagères les choses et que de méchantes gens t'ont monté la tête. Non, mon oncle, je vois les choses telles qu'elles sont. Et je vous jure que j'en souffre cruellement. Oh, pauvre petite Marie, tu me fais beaucoup de peine. Et je prévois pour toi bien des chagrins. Je voudrais vous faire profiter de mon expérience et vous voir acquérir un peu de sagesse. Hélas, l'expérience des autres. Mais enfin, tout de même, y a-t-il pas un moyen d'arranger tout ça? Quel moyen? Mais je le cherche. Tu m'as peut-être un peu d'indulgence et d'adresse. Oh, cela pas mal. Non, ne mets pas en colère, écoute-moi, je cherche. Et crois-moi, il faut que tu sois très indulgente et il faut que tu sois très adroite. Mais vous ne savez donc pas que lui... Mais je ne peux cependant pas te dire à toi ce que j'ai l'intention de lui dire à lui, écoute-moi donc. J'écoute. Dans la situation où tu te trouves actuellement, tu dois, à mon sens, prendre conseil de ton cœur et de ta loyauté. De ma loyauté? Mais c'est pas un mot blessant. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Mais mon enfant, je ne t'accuse de rien. Non, mais enfin, je ne suis pas bête. Vous me dites d'être indulgente et dans le même moment, vous me conseillez d'être loyale. Mais là, as-tu la prétention d'être parfaite? Non, mais quel reproche a-t-on à me faire? Je te reproche cette question et la façon dont tu la poses. Oh, d'ailleurs, vous avez toujours soutenu Jean contre moi. Oh, c'est à moi que tu parles ainsi? Tout lui est permis parce qu'il a de l'esprit. Mais non, tout ne lui est pas permis, mais puisqu'il est inutile de lui interdire certaines choses. Oui, c'est bien ce que je disais. Il faut les lui permettre puisqu'il est inutile. Mais il faut savoir les supporter. En souriant, n'est-ce pas? Évidemment. Ça vaudrait mieux encore. C'est bien cela. Quand il est seul avec moi, qu'il observe un silence absolu, qu'est-ce que cela peut faire, puisqu'avec les autres, il a de l'esprit? Qu'il semble pendant un mois entier oublier complètement que je suis sa femme, qu'est-ce que cela peut faire, puisqu'il satisfait d'autres femmes et qu'avec elles, il est charmant? Non seulement il faut que j'endure cela, mais en plus, il faut que je sois souriante. Et c'est vous, mon oncle, qui me le conseillez. Et non seulement vous me conseillez l'indulgence et l'adresse, mais vous faites appel à ma loyauté. Il faut que ma loyauté s'en mêle. Allez, je comprends tout ce que cela veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a pu vous dire contre moi? Jean? Pas ça. Pas un seul mot. Jamais. Non, regarde-moi dans les yeux et comprends-moi. Calme tes inquiétudes, mais calme-toi. Il ne se doute absolument de rien. Mais de quoi pourrait-il? Chut, il y a vraiment un Dieu pour eux. Un jour qu'il était triste, dernièrement, j'ai tremblé pour toi et pour lui et j'ai voulu savoir s'il avait des soupçons. Je l'ai questionné très adroitement et la façon dont il m'a parlé de toi m'a complètement tranquillisé. S'il semble oublier parfois ta présence, s'il est distrait, s'il est lointain, sache du moins qu'il a pour toi la plus profonde estime. Il dit que tu es incapable... Mais prends ce mot pour un mot d'esprit. Il dit que tu es incapable d'être infidèle. Et si tout à coup, maladroitement, tu lui fournissais la preuve de son infortune, il n'y croirait pas. Oh. Mais j'en suis certain. Mais c'est pas pour que tu en fasses l'expérience que je te dis ça. Mais mon oncle, vous parlez de son infortune avec une assurance qui me trouble. Et Enfin, comment dirais-je, je tiens à vous détromper. Oui, tu trompes mieux. Il n'y a pas de Dieu, tu sais, pour les oncles. Chut, voilà. La Fontaine, en effet, vient de paraître dans la cour. Oh mon Dieu, il est seul. Mais il est blessé. La Fontaine entre alors. Il a la main droite enveloppée d'un linge et il l'a glissée dans l'ouverture de son gilet. Vous êtes blessé? Mais non, je ne suis pas blessé. Je me suis blessé. Et sottement. Je me suis fait un mal épouvantable. Tout à l'heure, en sortant, j'ai voulu refermer la grille avec mon pied. J'ai perdu l'équilibre. Pour le rétablir, j'ai mis mes bras en croix et la grille, en se fermant, m'a pincé le poignet. C'est une véritable chance que je n'ai pas le bras cassé. Oh. Mon Dieu, que cela peut faire mal. Je ne sais ce que ce droguiste m'a mis là-dessus, mais cela me brûle. C'est bête. Mais aussi, c'est bien fait. Pourquoi ai-je voulu faire l'acrobat? Madame, il est midi passé. Peut-on servir le déjeuner? Oui, servez. Comment servez? Eh bien, éboignant. J'ai pensé, vous voyant revenir seul. Que? Je ne sais pas. Il va venir déjeuner tout de même? Comment tout de même? Nous l'avons invité à déjeuner. Vous me demandez s'il vient déjeuner tout de même? C'est vraiment charmant de ne pas vouloir attendre les gens qu'on invite. Mais qu'on attende Monsieur Poignant, bien entendu. Ah, oh, pauvre Poignant, lui qui a été si gentil. Il m'a presque porté, car j'ai failli me trouver mal. Et oui, qui? Poignant. Il achète des gâteaux sur la place et il vient. Tout de même est admirable. Non, bon oncle. Je vous annonce que j'ai complètement terminé ma traduction de l'Eunuque de Terence. Ah, c'est bien ça. Vous me la montrerez? Avec joie, comme j'aime à montrer tout ce que je fais. Et j'ai commencé cette nuit une épître à une jeune abbesse qui habite Château-Thierry et qui est infiniment charmante. Et ça vous amuse, n'est-ce pas, d'écrire? Certes, c'est un passe-temps merveilleux. Sitôt que je prends la plume, je m'évade à l'instant même des soucis que je puis avoir et réellement, cela tient du prodige. Publierai jamais les choses que j'écris, ça. Mais quel plaisir incomparable. Ce que l'on parvient à faire avec quelques mots, s'ils sont bien choisis, c'est réellement divin. Vous lisez beaucoup? Non, mais je lis beaucoup ceux que je lis. Ceux qui me plaisent, je les adore. Ainsi Rabelais et Malherbe ne cessent de m'enchanter. Ils me découragent un peu, mais je les sais par cœur et j'en rêve la nuit. Et les anciens? Certains m'échappent, mais il y en a que je comprends très bien. Et alors ceux-là, bien que je sache imparfaitement le grec et le latin, ceux-là, il me semble que je les devine. Ainsi, la nuit dernière, je lisais à tâtons les fables d'Ésope et... Enfin, j'ai une idée là-dessus et je forme un dessin qu'un jour j'accomplirai peut-être. Vous devez avoir une grande facilité. Oui, très grande. Et en vérité, je n'éprouve aucune difficulté. Je n'appelle pas difficulté la recherche d'un mot, bien entendu. Et sincèrement, je ne m'explique pas que l'on puisse avoir un effort à faire pour travailler. Un peu de bonne humeur et de tranquillité d'esprit, et cela vient, cela vient. Et c'est un tel soulagement pour moi. Je me libère ainsi des pensées qui m'obsèdent, et c'est avant d'écrire que je suis fatigué tant j'ai la tête lourde. Je me repose en travaillant. Et quand c'est fini, je vais 100 fois mieux. Ah! Voilà Poignant avec ses petits gâteaux. Pardonnez-moi d'être en retard. Il offre à Madame de la Fontaine le petit paquet qu'il apporte. Elle le prend et remercie Poignant. Mais dites-moi, Jean, lorsque vous... Un instant, pardon. Je voudrais demander à Poignant un petit renseignement sur un point d'art militaire. Et cela concerne mon épître que je voudrais terminer tout de suite et vous lire à la fin du repas. Quel est le renseignement, donc? Voici, assieds-toi. Un capitaine des gardes peut-il... Madame de la Fontaine et l'oncle Jeannard se sont éloignés. Écoutez bien, vous m'avez donné votre parole d'honneur que personne au monde jamais ne saurait que nous nous sommes battus pour elle. Je vous ai donné ma parole d'honneur. Mais peut-être me suis-je mal fait comprendre. Quand je dis personne au monde, que cela signifie bien pour vous, personne. J'avais compris. Bien, je suis au courant de tout depuis plusieurs mois et j'ai fermé volontairement les yeux. À plusieurs reprises, des allusions m'ont été faites au sujet de vos visites ici. Chaque fois, j'ai répondu par des boutades et j'aurais volontiers gardé le silence. Mais vous m'avez obligé à le rompre en la tutoyant devant moi. Je suis tout de même un mari comme les autres. Et à quel point? Donc, je suis sorti de mon mutisme. Mais je vais y rentrer pour toujours. Non seulement je ne veux plus rien savoir, mais surtout, comprenez-moi bien, je ne veux pas qu'elle sache jamais. Voyez-vous, j'ai eu jusqu'ici trop de tort envers elle pour la priver de cette satisfaction de pouvoir me les reprocher. Pardonnez-moi si j'insiste une dernière fois et si je vous supplie de bien garder ce secret. Certes, je ne doute pas de votre parole, mais je sais que deux êtres qui s'aiment peuvent tout se dire dans un regard. Surveillez-vous, Poignant, qu'elle ne sache jamais ce qui s'est passé. Ne me trahissez pas une seconde fois. Cette fois-là, je ne vous le pardonnerai pas, car vous n'auriez pas d'excuse. Un mot encore. Comment trouvez-vous que je me bats? Comme un homme de lettres. C'est-à-dire? Que j'aurais pu vous blesser davantage. Orgueilleux. Il ne pouvait pourtant pas me faire plus de mal. Madame, le déjeuner est servi. Jean, Jean, à table. Oui, mon oncle, voulez-vous connaître les premiers vers de mon épître? Vous êtes d'ordinaire assez friand de poésie, je crois. Mais je pense bien. Tenez. À une abbesse, très révérende mère en Dieu qui révérende n'être guère et qui moins encore être mère, on vous adore en certains lieux. Eh bien. Nous nous sommes alarmés sans raison, il ne se doute absolument de rien. Est-ce bien vrai? Je vous en donne ma parole d'honneur. Et c'est en refermant la grille qu'il s'est blessé réellement? Réellement. Mettez-vous à table, voulez-vous, je vous rejoins tout de suite. Mon bon oncle, je vais vous demander de bien vouloir me permettre de vous dicter la chose, car j'oubliais que cela m'est impossible d'écrire. Mais je vous en prie, dictez. J'attends. Jeannard a pris au bureau la place de La Fontaine. Madame de La Fontaine et Poignant sont entrés dans la salle à manger. Adieu, je pars. Il cherche ce qu'il pourrait bien ajouter à cela. Il ne trouve rien. Regarde autour de lui, choisit un livre parmi ceux qui se trouvent à portée de sa main, le met dans sa poche. Puis il se coiffe de son chapeau et prend son manteau sur son bras. Jeannard, qui lui tourne le dos, est tout surpris quand Jean lui pose doucement la main sur l'épaule. Adieu, je pars. Mais chut. On me dit qu'à Paris, on oublie assez bien. Je vais voir. Il ouvre la porte et s'en va de chez lui. Quelques années plus tard, dans le modeste appartement que Jean de La Fontaine occupait à Paris, et plus précisément, dans son cabinet de travail, qu'il appelait la chambre des bustes. L'endroit, en effet, est orné de bustes de terre cuite ou bien de plâtre. Il y a partout des livres, et le désordre est grand. Sa table à écrire est au centre de la pièce. À gauche, en pan coupé, se trouve sa bibliothèque. Au fond, une grande tapisserie sépare ce cabinet de la salle à manger. À droite, il y a une porte et une fenêtre. Sa bibliothèque a ceci de particulier, qu'en son milieu, il y a le buste de Virgile, posé sur l'un des rayons, et que derrière ce buste, lui faisant un fond de verdure, est accrochée une petite tapisserie. Le buste d'Ésope et celui de Terence sont placés aussi dans la bibliothèque, mais tout en haut, tandis que Virgile se trouve à la portée de la main. Le buste de Plaute est posé à terre sur une pile de livres et celui d'Homère se trouve sur le rebord de la fenêtre. Entre les quatre pieds d'un fauteuil, caché aussi bien que possible, il y a une vingtaine de briques. Anaïs, sa servante, est seule dans la pièce. Elle fait le ménage, semble-t-il. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces briques? Depuis une semaine, il entasse des briques dans ce coin-là. Et chaque jour, le tas augmente. Quel drôle d'homme. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec des briques? Ah, ce désordre, mon Dieu! Je nettoie, je range un peu sitôt qu'il a le dos tourné à n'importe quelle heure du jour. Car il ne faut pas qu'il s'en aperçoive. Il serait furieux s'il savait que je touchais ses papiers et ses livres. Il m'a tellement recommandé de ne jamais porter la main sur son bureau. Depuis 7 ans que je suis chez lui, Je m'applique donc chaque jour à réparer le désordre quotidien. Ainsi, je respecte sa volonté et ne vole point mes gages. Mes gages. J'en parle comme s'il me les payait, le pauvre cher homme. Bon, enfin, je suis satisfaite de moi lorsque chaque jour, au bout d'un quart d'heure, j'ai remis les choses dans l'état exact où elles étaient il y a 7 ans. Oh, le voilà qui m'ouvre. Rebonjour, fidèle et attentive servante. Que vous voilà donc bonne humeur. Ne suis-je pas toujours de bonne humeur? Tu t'obstines à croire que je suis de mauvaise humeur quand je veux rester seule. Toi aussi, tu prends le travail pour un labeur et l'envie d'être seule pour de la mélancolie. Je ne suis jamais de mauvaise humeur. Je ne l'ai pas été depuis bien des années. Et aujourd'hui, je me sens particulièrement heureux. Qu'est-ce qu'il y a donc, mon vieux? D'abord, il y a 4 couverts à mettre. 4? Pour le dîner? Pour le dîner, oui. Oh, mais je ne vais pas avoir le temps. Tu le prendras. Ce sont des hommes ou des femmes? Sois contente, jalouse. Ce sont des hommes. Alors, c'est Monsieur Despréaux. Racine. Et? Et notre divin Molière. Que comptais-tu me servir à moi ce soir? Une tranche de bœuf et des légumes. Ah, que j'ai donc bien fait d'inviter du monde. Alors c'est avec une tranche de bœuf et des légumes que tu espérais me récompenser d'avoir heureusement terminé ma balade? Tu vas acheter... Avec quoi, grand Dieu? Anaïs, tiens-toi bien, ferme les yeux et écoute. Il fouille dans sa poche et en sort une petite poignée de pièces d'or qu'il laisse glisser de sa main ouverte sur son bureau. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma balade. Admire la sonorité de ses rimes. Et convient que Madame la Duchesse de Bouillon fait bien les choses, presque aussi largement que mon pauvre Fouquet l'estime mes vers. Elle les estime bien. Elle. Je ne la vole pas. Tu vas m'en fournir la preuve, car je veux que ce soir nous mangions toute ma balade. Passe à la rôtisserie et choisis une belle poularde truffée, que les truffes soient entières et qu'elles soient grosses comme le poing. Achète aussi des vins de champagne, le meilleur. Enfin, que le repas soit réussi, puisque j'ai réussi ma balade. Et surtout, que le dessert soit bon. Je suis très satisfait de l'envoi. Je ferai tout ce que je pourrai. Personne n'est venu pour me voir? Si, une dame. Et tu ne le disais pas? Jolie? Oui, plutôt. Faut-il qu'elle le soit, mon Dieu, pour que tu l'avoues? A-t-elle dit son nom? Madame de la Sablière. Non. Si. Déjà? A-t-elle dit qu'elle reviendrait? Peut-être. Quoi, peut-être? L'a-t-elle peut-être dit ou bien... Non, elle a dit que peut-être elle reviendrait. Donc elle reviendra. Avoue qu'elle est jolie. Et puis, on a apporté aussi un paquet. Un gros paquet? Oui. Elle va le chercher dans la pièce voisine. Énorme, comme ça? Oui. C'est sans doute une petite lettre de Madame de Sévigné. Le voici. Ah non, ce sont des livres que j'attendais. Bonjour, soyez les bienvenus. Mais dis donc, Anaïs, tu as touché à mon bureau? Non, monsieur. Tu ne rougis même plus quand tu mens. Écoute-moi bien, si jamais je te vois ranger mon bureau, je t'étrangle, tu sais. D'abord, pourquoi as-tu ce balai dans les mains? Je n'aime pas cette arme. Pour enlever un peu toutes les saletés que vous faites avec vos briques. Ah, là. Mon Dieu, ces briques, hein, elles te trottent par la tête. J'ai perdu l'habitude de vous poser des questions, mais enfin, tout de même, vous n'allez pas me faire croire que ça vous est utile d'avoir des briques dans votre bureau. Cela m'est justement très utile. À quoi? Pour toute réponse, il lui fait un pied de nez. Puis, avec gentillesse, il lui prend le menton. Tu es une bonne grosse fille, va. Oui, je sais. Je sais que vous me trouvez trop grosse maintenant. Que n'ai-je changé de goût, n'est-ce pas, quand tu as changé de forme? Tu as toujours tes beaux yeux noirs. Oui, mais ça, les yeux, ça a de l'importance avant. Et malgré mes yeux noirs, c'est tout de même bien fini, nous deux. Hein? Ah, je suis si distrait. Méchant. Alors si c'est fini, dites-moi d'où viennent ces briques. Non, non, tu n'es pas mûre pour être ma confidente. Tu es trop jalouse encore. Mais patience. Bientôt, je te raconterai tout. Oh, je me doute bien qu'il y a quelque chose. Eh bien, devine alors. Voyons un peu si tu es perspicace. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a? Eh bien, dame, je pense... Ah. Quoi? Va-t'en. Mais vous me demandiez... Oui, mais dans le fond, je ne tiens pas tellement à ce que tu devines. Va-t'en, je vais travailler. C'est la musique d'à côté qui vous inspire. Peut-être, va. Occupe-toi de ton dîner, va, va. Ne me parle plus, va. Si au lieu d'une poularde, je... Ah, je vais me fâcher. Comme il l'a dit sans rire... Anaïs a eu peur et c'est soudainement qu'elle s'en est allée. Alors Jean s'est tourné vers sa bibliothèque. Il en a retiré quelques gros livres, puis il a déplacé le buste de Virgile. Et quand il soulève la petite tapisserie, on voit qu'il y a un trou dans le mur. Par cette ouverture apparaît un visage de femme, très jeune et souriant. C'est celui de Mademoiselle Certain, son rossignol. Bonjour. Bonjour, enfant chéri, dont j'attends depuis hier le sourire divin. Je peux chanter, nous sommes seuls? Je suis tout seul et je t'écoute. Je Quelle est cette chanson? C'est un air de Lully qui l'a fait déposer chez moi ce matin. C'est ravissant. Continue, s'il te plaît. N'est-ce pas, Lully? Oui, il est de Florence. Oui, c'est ce que j'appelle un Florentin. Il a bien du talent et j'ai très envie de travailler pour lui. Revenez, revenez, amour, revenez. Revenez, amour, revenez. Quel chagrin si pressant vous a tous emmené. Est-il quelque danger dont Mars ne vous délivre? Il chasse les fureurs de ses dieux fortunés. À la seule victoire, il permet de le suivre. Revenez, revenez, amour, revenez. Revenez, amour, revenez. C'est merveilleux et c'est exquis. Ah, mon rossignol, que tu m'enchantes et que je t'aime. Il désigne deux gros livres qui se trouvent entre elle et lui. Est-ce que je peux retirer Homère aujourd'hui? Oui. Et Malherbe et Platon? Mais oui. Cela t'ennuierait beaucoup de me donner un baiser maintenant. Oh, pas du tout. J'en ai un justement sur les lèvres. Donne vite, viens. Ah, que tu es charmante. Ta voix me trouble infiniment et il me semble qu'on ne puisse pas être mineur d'une façon plus éclatante que toi. Quelle fraîcheur! J'adore ton sourire et je suis amoureux de ta jeunesse. Enfant que j'aime, je voudrais te sentir plus près de moi, tout près de moi. Et je voudrais que tu aies, comme je l'ai moi-même, l'impression que Plaute et Terence n'ont plus rien à apprendre et qu'ils ne devraient pas rester entre nous. Je les connais si peu que je n'ose rien leur dire. Je les connais si bien que, ma foi, je n'ai pas besoin de me gêner avec eux. Il retire des livres encore. Voilà. Voilà. Comme cela. Donnons à ce trou inégal la forme un peu d'une fenêtre. Il me semble tellement que je respire mieux quand j'écarte mes livres. Il vient de ta chambre un parfum si doux. Viens. Assieds-toi maintenant sur le bord de la fenêtre. Approche. Et laisse-moi te respirer. Ô parfum de ma vie. Que tu me plais. Mon Dieu, que tu me plais. Mais comment t'y prends-tu pour me plaire à ce point? Tu dois le faire exprès. À présent que je t'ai contre moi, c'est en moi que je voudrais t'avoir. Oui, je voudrais que tu sois toute petite. Comme cela, tu vois, afin que je puisse t'avoir là, constamment. Tu es bien, là? Oh, oui. Ton père ne va pas rentrer, maintenant? Non, pas avant la nuit. Pas avant la nuit. Alors, écoute, je suis insatiable. Je voudrais que ce jour fût un grand jour pour moi. Combien vas-tu me permettre de retirer le brick aujourd'hui? Fais largement les choses. Combien? Autant qu'il en faudra pour que je puisse passer. Vrai? Tu veux bien? On s'est peu permettre, en vérité. Car il me faut si peu de place pour passer. Une, deux, trois, quatre... Encore une. Cinq. Encore? Non. Cela suffit, je passe. Tu peux t'appuyer là, c'est solide. C'est Rabelais. Me voilà toute entière. Bonjour. Elle est entrée chez lui. Viens dans mes bras, viens vite, cours. Viens, viens m'embrasser comme si tu ne m'avais pas vu depuis un mois. Viens et embrasse-moi comme je t'aime. Oui, toute entière, je t'ai contre moi. Je te sens vivre et palpiter dans mes bras. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu trembles. De plaisir, d'un plaisir inconnu dont je ne rougis pas. Car il me semble aussi que je respire mieux et que je viens seulement de commencer à vivre. Si nous partions ce soir, serrés l'un contre l'autre, si nous partions, dis, veux-tu que ce soir nous partions tous les deux? Veux-tu que nous vivions l'un à l'autre à jamais? Je suis libre. Ah. Quoi? Rien. Mon petit cœur charmant, que j'étais loin déjà. Quoi? Je n'aurais pas dû dire ce mot. Si, si, tu as bien fait. C'est bien fait. Surtout, ne te reprends pas et ne revenons pas en arrière. Pendant quelques secondes, je t'ai senti complètement à moi. Ah, complètement. Revenons doucement vers la vie à présent. Éloigne-toi, veux-tu? Que je te regarde un peu. Ah, ça, mais tu es grande, tu sais. Je m'en rendais mal compte. Trop grande? Non. Mais quand je t'ai dans mes bras, tu as tellement un visage d'enfant. Assieds-toi un instant. Là, oui. Quoi? Mais que c'est donc joli chez moi, c'est ravissant. Et moi qui trouvais que l'endroit était sombre, étais-je fou? Mais j'ai tout simplement la plus jolie demeure qui soit à Paris. Seulement pour cela, il ne faut pas que tu t'en ailles. Oh, mais je ne m'en vais pas. Ah non, ne t'en va pas, surtout ne t'en va pas. Mais maintenant, lève-toi, veux-tu, et change un peu la place des livres qui sont sur le bureau. Cela? Cela, ceci, les autres aussi. Voilà, c'est cela, oui. Mets du désordre chez moi afin que je puisse m'y reconnaître. Maintenant, prends le plus grand de tous les livres. Celui-là, oui, et va le porter là-bas. Auprès du vieux monsieur qui est si triste. Il désigne le buste d'Homère. Pourquoi? Pour que j'aie un peu l'impression que nous vivons ensemble. Et maintenant? Maintenant, viens me montrer tes yeux dans la lumière. Est-ce que tu tiens beaucoup à cette écharpe? Je ne tiens à rien. Il la lui enlève. Et tes vêtements ne semblent tenir à toi que par miracle. Il ne suffirait de peu de choses, n'est-ce pas, pour faire descendre ce corsage? Il est en effet retenu par bien peu de choses. D'ailleurs, comment tes robes peuvent-elles ne pas tomber à tes pieds? Oh, mais je les surveille. Et surveille-moi bien aussi. Je n'ai pas peur de vous. Que tu es souple et fragile. Quelle ravissante ébauche tu es. Oui, tu es l'ébauche d'une femme. Tu sembles n'avoir été que volontairement esquissée. Mais quelle indication précise et précieuse. La nature t'a faite d'un premier jet. Oh. Mais oui, et c'est tant mieux. On se fatigue d'un tableau parfait. On ne peut plus rien en espérer. Une esquisse ne fatigue jamais. Elle promet tant de choses. On admire un tableau. On adore une esquisse. C'est une chose qui vient de commencer, qui vient de naître. Il semble qu'on puisse la modifier encore et l'achever à sa façon. Alors quoi? Je ne suis pas finie. Non, pas encore. Est-ce qu'un jour au moins je serai terminée? Peut-être pas. Oh mon Dieu, mais c'est triste. Mais non, regarde ce dessin. Tu es comme lui. Quatre coups de crayon et l'on devine tout encore. C'est un dessin de Holbein qui savait avoir du génie en quelques traits. Eh bien, tu es comme ce dessin. Et tu n'as comme lui que quelques touches de couleur. Et tu vis comme lui. Pas davantage. Regarde-le bien, il te survivra, tu sais. Oui, mais moi, j'aurais chanté. Oui, mais lui, il ne vieillira pas. Oh, j'espère bien ne pas vieillir, car il me semble que je ne saurais pas. C'est assez difficile, en effet. Il faut apprendre à vieillir. Oui, mais on apprend mal. On fait celui qui ne comprend pas, exprès. Ce sont les vieux qui vous l'apprennent. Ce sont les jeunes qui vous l'enseignent à la longue. D'abord, moi, je suis sûre de ne pas vieillir, puisque je ne suis pas terminée. Je m'en irai telle que je suis. Un beau matin, je ne serai plus là. Je terminerai la vie sans que la vie m'ait terminée. Tant pis pour elle. Veux-tu te taire? Si jamais tu reparles de cela, je te tue. On dit ça. Donne-moi tes yeux et laisse-moi faire. Il lui cache le visage avec le bout de son écharpe, de manière à ne plus voir que ses yeux dans un rayon de soleil qui passe par la fenêtre. Regarde à droite, regarde à gauche, regarde-moi maintenant. Ah, je ne sais pas si tu as de beaux yeux, mais je te jure bien que jusqu'ici, je n'ai de ma vie rencontré un regard qui m'ait ému à ce point. Qu'est-ce qu'ils ont donc, mes yeux? Ils regardent, ils sont tout neufs, ils viennent de s'ouvrir et ils regardent la vie. Mais ils ne l'ont pas encore vue, hélas. Ils seront moins beaux quand ils l'auront vue. Tâche de regarder longtemps, mon amour, et de ne pas voir. Pourquoi? La vie est donc si laide? Ah, elle est journalière. Il me semble ce soir qu'elle est en beauté. Merci. Mais moi, je suis très difficile et je rage parfois, car j'ai la certitude qu'elle pourrait être merveilleuse, la vie. Malheureusement? Si je savais, si je pouvais savoir, si quelqu'un savait. Viens t'asseoir là sur mes genoux. Et à ton tour, parle-moi. Mais je n'ai rien à dire. Je ne sais pas parler. Alors, me permets-tu de te poser des questions? Oh, cela oui. Qu'est-ce que tu penses de moi? Je... Comment me trouves-tu? Extraordinaire. Extraordinaire? Oui, et puis si différent des autres. Soit, mais enfin... Quoi? J'ai bêtement répondu? Oh, mais non. Seulement, cela ne me dit pas si mon visage te plaît ou te déplaît. Je ne l'ai jamais bien regardé. Comme tu es prudente. Non, c'est vrai. Je ne peux pas regarder autre chose que les yeux. Au moins, les aimes-tu, mes yeux? J'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. C'est comme malgré moi, je regarde toujours en dedans. Tu fais bien de me prévenir, je vais me surveiller désormais. Et alors, dans mes yeux, ce que tu vois, c'est bien? Oh oui, mais c'est tout drôle. Drôle? Drôle, enfin. Oui, tu entends par tout drôle, pas drôle du tout. Non, pas tout à fait. Mais quand vous êtes gay, on dirait qu'il y a là-dedans quelqu'un qui est triste. Et quand vous dites oui... Et là-dedans, on dit non. Presque. Mais dites, je me trompe. Vous n'êtes pas un homme extraordinaire. Et toi? Es-tu heureuse, au moins? Peut-être un peu moins, quand j'y pense. N'y pense pas. As-tu une bonne santé? Non, pas très bonne. Et justement, depuis quelques jours, je me sens extrêmement faible. Ah, ne sois pas malade. Surtout, pense un peu à moi. Qu'est-ce que je deviendrais, moi, si tu étais malade? Et si pourtant j'étais malade? Je souffrirais pour toi et je souffrirais doublement de ne pouvoir te soigner moi-même. Et ce serait vraiment regrettable, en effet. Car tu ne peux pas savoir à quel point je te soignerais mal. Je ne saurais ni te passer une tisane, ni te faire prendre une potion, ni... Ni dire que cela me guérirait. À quoi penses-tu en ce moment? À rien. Ça ne te fatigue pas trop? Tu es sûre que tu ne pensais à rien? Oui, je n'ai pas l'habitude de penser. Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Venir ici chaque jour. Cela, je te le promets. Tu vois, je ne peux rien te refuser. Mais dis-moi, je t'en supplie, dis-moi ce que tu aimes dans la vie. Je veux que tu me livres toutes tes pensées, tous tes désirs. Ah, si je pouvais, dis, vois-tu que je puisse te rendre heureuse? Quelle joie, t'entendre un jour me dire « je suis heureuse », avoir à moi un être humain et faire son bonheur, mon rêve. Mon petit rossignol, dis-moi ce que tu aimes. Plaire. Je voudrais plaire et ne jamais cesser d'entendre des mots très doux qui me parleraient de moi, comme ceux que j'entends depuis une heure. Et puis, j'aime chanter. Tu voudrais faire du théâtre? Oh oui, plaire à des inconnus qui penseraient à moi. Je peux t'aider. Merci. Est-ce que tu es intelligente? Je ne crois pas. Est-ce que tu es bête? Je ne sais pas. Il faut être intelligent pour faire du théâtre? Non. Il faut tout de même comprendre? Non, il faut deviner, et tu devines très bien. Et puis vois-tu, bien que nous soyons très différents l'un de l'autre, nous avons l'un et l'autre une chose inestimable, mystérieuse et irrésistible, et c'est justement le don de plaire. Tu n'es pas très joli et je ne suis pas beau. Il y a bien des voix plus belles que la tienne, et j'en sais qui ont plus de talent que moi, mais j'ai le don de plaire et tu l'as également. Ceux à qui nous ne plairons pas nous haïront sans doute et seront irrités, mais nous ne connaîtrons jamais ce sentiment affreux, l'indifférence. Nous ne serons jamais indifférents à personne. Ceux à qui je cesserai de plaire me haïront-ils un jour? Ça, en tout cas, j'en connais un qui ne te haïra jamais. Jamais? Combien d'années cela fait-il? Je ne suis pas sûr de vivre vieux. Quel est ton sentiment pour moi? Il est très doux. Tu aimerais être à moi? Je voudrais l'être tout à fait. Oui, mais hélas, il ne faut pas. Oh si! Et non. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas. Oh non, garde-toi bien des hommes de mon âge. Oh. Oui, donne-moi ton sourire et ton regard, mais conserve la fleur embaumée de ta jeunesse pour un cœur aussi libre et aussi neuf que le tien. Mettez-vous en ménage avec la même dot. Oh, la vieillesse sans l'amour. À quel âge est-on vieux? Oh, comment te dire, à ma foi? On est vieux la première fois. La première fois qu'on aime? Ah non, la première fois qu'on cesse d'aimer. Cela m'est arrivé de bien bonne heure, hélas. Et on ne rajeunit pas la seconde fois qu'on aime? Malheureusement, non. Cela serait trop bon. On ne rajeunit jamais? Si, la seconde fois qu'on est aimé. À quoi voit-on qu'on est aimé? Aux yeux de celle qu'on aime. Courage, fais voir tes yeux. Quoi? Je t'aime. Eh bien, et moi? Toi? Eh bien, toi, je t'aime. J'ai 44 ans, tu sais. Oh! Oui, c'est beau, hein? Ça ne te fait rien? Ça me fait 25 ans de moi. Tout simplement. 44, déjà. Ah, tu pourrais dire encore. C'est l'âge de papa. Oh, chante. Chante, chante, ne parle plus, chante. Mais comme ça, sans clavecin? Oui, oui, comme ça, chante. Mais quoi? Mais n'importe quoi, je te promets de n'écouter ni les paroles ni la musique. Chante. Ma belle, si ton âme se sent rallumée de cette douce flamme qui nous force d'aimer. Tu me fatigues un peu. Car elle était restée assise sur ses genoux jusqu'à ce moment. Mais chante, continue. Tandis qu'il est allé s'asseoir à son bureau, elle est un peu comme une âme en peine, car s'il l'écoute encore, il n'y paraît guère. Elle est allée jusqu'à la fenêtre. Un instant, elle y est restée accoudée. Et maintenant, elle ne sait plus que faire. Comme il écrit toujours, et qu'il ne semble plus s'intéresser à elle, elle s'est rapprochée de la bibliothèque. Et lentement, tout en chantant, elle est rentrée chez elle. Elle a fait retomber en passant la petite tapisserie, et sa voix s'est tue. La fontaine ne s'est aperçue de rien, et il ne sait pas qu'il est seul à présent. Tiens, écoute les vers que tu m'inspires. Me voici rembarqué sur la mer amoureuse, moi pour qui tant de fois elle fut malheureuse, qui ne suis pas encore du naufrage essuyé, quitte à peine d'un vœu nouvellement payé. Que faire? Mon destin est tel qu'il faut que j'aime. On m'a pourvu d'un cœur peu content de lui-même, inquiet et fécond en nouvelles amours. Il aime à s'engager, mais non pas pour toujours. Si l'on ne suit l'amour, il n'est douceur aucune. Ce n'est point près des rois que l'on fait sa fortune. Alors seulement il s'aperçoit que Madame de la Sablière, introduite par Anaïs, est entrée chez lui depuis quelques instants et qu'elle l'écoute. Oh, madame, je ne pensais pas que l'occasion me serait si tôt fournie de pouvoir vous lire les vers que je viens d'écrire à l'instant pour vous. Et tout en disant cela, d'un coup d'œil rapide, il s'est assuré que son rossignol s'en est allé. Quoi, vous venez chez moi, madame? Je suis indigne de l'honneur que vous me faites, et j'ose à peine vous demander de prendre place dans ce réduit plus que modeste, hélas. Je voulais vous voir chez vous, monsieur de La Fontaine. On m'avait si souvent parlé de la chambre des bustes, que ma foi, n'y tenant plus, j'ai commis l'indiscrétion de venir troubler votre travail. Vous ne le troublez pas, madame, et votre visite va singulièrement le faciliter, je vous jure. Ah, madame, depuis l'autre semaine, depuis que le destin m'a mis sur votre route, depuis que j'ai eu le bonheur de vous voir un instant et de pouvoir causer seul à seul avec vous, il me semble que je brûle. Et le désir que j'avais de vous revoir... répond à celui que j'avais moi-même. Et moi, je suis venue. Et moi, je vous écrivais, madame, et vous donnais le meilleur de moi-même. Plaise à Dieu, madame, qu'un jour nous soyons quittes. Eh bien, faites ce que je vais vous demander. Vous ne me le demanderez pas deux fois. Écoutez, voilà, je voudrais... Votre regard me gêne. J'aurais donc fait rougir, madame de la Sablière. Vous en parlez comme d'une action d'éclat. C'est tellement éclatant à voir. Laissez-moi parler. Mais j'écoute, madame. Oui, mais cessez de me regarder. Cessez d'être jolie, alors. Vous me troublez. Je l'espère bien. Posez votre main, madame, sur ce livre, et pendant un instant, je ne regarderai qu'elle. J'écoute. J'ai conçu le projet, monsieur, de vous avoir chez moi. Chez vous, madame? Oui. Quand cela? Dès demain. Je vais vous répondre franchement, madame. Ayez pitié de moi et ne m'invitez pas s'il y a trop de monde. Je fais mauvaise figure à tous ces grands repas. Je garde obstinément le silence et je parais maussade. Certes, je suis sensible aux honneurs qu'on veut bien me faire, mais je n'aime pas que l'on m'invite en se disant... La Fontaine est très drôle, car si parfois je le suis, je ne le suis jamais en ces conditions. Il y a des plaisirs qu'on ne partage pas. Et si j'avais un jour l'honneur de vous avoir à ma table, madame, je choisirais la plus petite, assurément, afin que nos couverts voisinant tous les deux... Oh, mais je sais. Je sais quelles sont vos idées là-dessus. Je sais même que l'autre jour, chez des amis à moi, vous avez dit un mot terrible et charmant. Vous aviez observé pendant tout le repas un silence navrant. Et sitôt qu'il fut terminé, vous vous êtes levé de table en disant qu'il fallait vous excuser, que vous aviez un rendez-vous à 3 heures à l'hôtel de Bourgogne. On vous fit alors observer que vous aviez encore du temps pour vous y rendre. Et vous avez répondu, « Oui, mais j'ai l'intention de prendre le chemin le plus long pour y aller. » J'ai eu en effet l'inconvenance de répondre cela. Mais quoi? Voilà que l'on répète mes mots. C'est la gloire. Je souhaite que dans l'avenir... on ne m'en attribue pas qu'il soit trop mauvais. Bien, soyez tranquille, monsieur, on reconnaîtra toujours les vôtres. Je ne veux donc pas commettre l'imprudence de m'exposer à un mot pareil, et ce n'est pas à déjeuner que je viens vous prier, non. Non, je voudrais bien davantage. Je sais parfaitement qu'on se dispute à Paris la joie de vous avoir, mais ce n'est pas ce sentiment qui me guide. Et je souffre sincèrement de vous savoir si mal logé. Écoutez-moi, je ne cherche pas à vous avoir, non... Je voudrais vous savoir plus à votre aise, plus heureux, vous que j'admire tellement. Et je voudrais vous voir accepter tout simplement ce que je vais vous proposer. Je n'ose pas. Osez, madame, osez. Eh bien, voici. À quelques pas de ma maison, dans mon jardin, je possède un pavillon absolument isolé et que j'ai fait installer pour vous. Pour moi, madame? Oui. Vous y seriez parfaitement tranquille pour travailler, pour y vivre à votre guise. Je vous prierai de bien vouloir considérer que vous y seriez chez vous. Et il me serait infiniment doux de penser que plus tard, il deviendrait impossible de raconter votre existence sans prononcer mon nom. Quel est le mot qu'à votre esprit que j'appréhende va faire venir cette proposition étrangement sentimentale? le mot « enfin ». Vraiment ? Et ma proposition ne vous semble pas... Mais je la trouve exquise, madame, et la plus naturelle du monde. Je n'ose pas vous dire que je l'attendais, mais elle ne me surprend nullement. Vous acceptez ? Si j'accepte, madame, mais à la première heure, je serai chez vous demain. Rien ne me retient en ces lieux. Vraiment ? Vraiment. Alors, quelles sont les choses indispensables que je dois faire prendre ici ? Quelques livres, madame, qui ne me quittent jamais. Hormis eux, rien ne saurait me manquer désormais. Alors puis-je dire à mon valet de pied qu'il monte et qu'il emporte tout de suite vos livres chez moi ? J'allais vous en prier, madame. Quelle joie ! Avouez, madame, que la duchesse de Bouillon va en mourir de dépit. Oh, mais je compte sur plusieurs morts cette semaine à ce propos. Quand elles sauront que La Fontaine est chez moi et Ninon de l'Enclos. Ah oui, mon ennemi. Oh oui, oh. Mais pourquoi me déteste-t-elle ? Ah, dame, courtisez-la. Aïe. Et tuez-vous pour elle au moins une fois. Oh non, je me connais, je me manquerai et elle viendrait m'achever. À demain. À demain, madame, je vous accompagne. Il sort un instant avec madame de la Sablière, puis il revient. Anaïs, Anaïs! Que se passe-t-il, mon vieux? De grandes choses. Anaïs, tu vas me préparer un gros paquet avec tout le linge convenable que je possède. Monsieur me parle là d'un bien petit paquet. Vous partez donc en voyage? Oui, je vais faire un voyage à travers le grand monde. Mais il devient fou. Personne n'est déjà venu. Si, monsieur Jeannard vient de venir. Mon oncle? Tiens. Pourquoi n'est-il pas entré? Il n'a pas voulu vous déranger, mais il vous a écrit un billet. Le voici. Donne. Il me semble, mon cher Jean, qu'il y a bien longtemps que vous n'êtes allé à Château-Thierry. Je vous embrasse, Jeannard. On ne veut donc pas que je sois heureux pendant 5 minutes. Qu'est-ce que c'est? Je viens chercher les livres que vous... Ah oui, parfaitement. Il choisit quelques livres et les place les uns sur les autres. Mais... Il hésite, et les bras chargés de livres, il écoute. Le valet de pied attend. Il le fait attendre. Non, demain. Le valet de pied s'incline et sort. Jean regarde du côté de la porte par laquelle vient de partir le valet de pied, se retourne vers la bibliothèque, puis reprend le billet qu'il a reçu de son oncle, le défroisse et le relit. Sa femme... Le rossignol et Madame de la Sablière, cela fait 3. Il y pense. Anaïs. Monsieur. Je partirai demain pour Château-Thierry. Quelques jours plus tard. On entend un bruit de clé. Anaïs ! Personne. On ne m'attendait pas, c'est charmant. Vais-je avoir le temps de dire bonjour à mon rossignol avant que l'autre n'arrive? Oui, oh. Et puis, je m'en voudrais trop de ne pas l'avoir revu. Rien. Rien. Oh, ne vous donnez pas la peine, monsieur, elle est partie. Comment partie? Oui, pour toujours. Pour toujours? Mais qu'est-ce que tu dis? Ce qui est vrai, le rossignol s'est envolé. Mais raconte, pourquoi, comment? Elle est partie hier matin avec un jeune homme. Il est venu chez elle 3 jours de suite, et le 3e jour, ils sont partis. Évidemment. Oh. Eh oui. Il était beau? Très beau. Tant mieux. Avec de grands yeux noirs. C'est un Italien. Un Italien? Tu sais son nom? Ah oui, c'est un nom court qui finit par I. Pas Lully? Oh, si, c'est lui. Ils ont fait de la musique tous les deux pendant 3 jours, elle sur son clavecin, lui sur son violon, et puis ils sont partis. Et en mesure. Il me le paiera, le Florentin. Eh bien, Anaïs, que veux-tu? Il faudra faire replacer toutes ces briques. Bien, monsieur. Vous avez fait un bon voyage, monsieur? Oui. Et alors, comme cela, vous avez revu Madame de La Fontaine? Non, je n'ai pas eu de chance. Quand je suis arrivé là-bas, elle était aux vêpres. Je l'ai attendue pendant un quart d'heure. Oui, c'est long, les vêpres. Puis je suis allé au-devant d'elle, sur la route. Mais j'ai rencontré un vieil ami que je n'avais pas vu depuis 10 ans, qui avait 1000 choses à me dire, mais qui partait pour Meaux. Ma foi, je suis monté avec lui dans le coffre, et pendant 5 jours, dans les rues de Meaux, il m'a raconté toute sa vie, de quoi faire 10 volumes ennuyeux. J'en ai fait une fable, courte, mais réussie, je crois. Je ne regrette donc pas mon voyage. D'autant moins que j'attends quelqu'un, je t'en préviens. Déjà? Oui, déjà. C'est une rousse épanouie, mariée, sentimentale, bête à manger du foin, dont j'ai fait la connaissance ce matin dans le coche, et qui repart ce soir. Aventure imprévue, que nous savons sans lendemain, et que nous allons croire inoubliable pendant 24 heures. Elle sera là dans 10 minutes. Mais je lui ai dit que je serai seul ici pour la recevoir. Tu resteras donc dans ta chambre et tu laisseras la clé sur la porte. Mais néanmoins, tâche de l'apercevoir quand elle entrera, tu verras. Elle est appétissante. Bien. Personne n'est venu en mon absence? Le valet de pied de Madame de la Sablière est venu chaque jour pour emporter vos livres. Eh bien, tu les lui remettras la prochaine fois qu'il se présentera. Bien, monsieur. Mon rossignol qui chantait si bien. Ah, le Florentin. Mon petit rossignol. Comme il doit être heureux aujourd'hui. Oh, voilà un homme, celui-là, dont on exagère le talent. Il prend aux autres leurs idées. Et personne ne le dirait. Allons donc. Il prend la plume et se venge. Le Florentin montre à la fin ce qu'il sait faire. Anaïs, on monte. Anaïs. Monsieur. On monte. Fais ce que je t'ai demandé. Vas-y. Anaïs disparaît. Il tend ses bras vers la porte qui s'ouvre et Madame de La Fontaine paraît un instant plus tard sur le seuil. Vous? Oui. Ce n'est que moi. Vous ne m'attendiez pas. Je suis surpris, je vous l'avoue. Vous pouvez laisser retomber vos deux bras. J'ai compris. J'ai compris que je n'étais pas celle qu'on attendait. Mais du moins, je voudrais n'être pas celle que l'on évite. Soyez patient à défaut d'être tendre. Accordez-moi quelques instants. Je viens vous rendre votre visite. Écoutez-moi et répondez-moi. Mais certainement, et le fait d'avoir été surpris en vous voyant paraître n'a rien qui soit blessant pour vous. Vous pensiez bien, n'est-ce pas, me faire une surprise? Est-elle désagréable? Je ne saurais déjà le dire. Je ne demande qu'à vous écouter, asseyez-vous. Embrassez-moi. Mais je pense bien. Il lui donne un baiser, comme on fait une aumône. Je suis chez vous? Vous êtes chez moi, bien entendu. Mais je vais d'ailleurs quitter cet endroit car il est inhabitable. Il n'est pas possible de le chauffer. Or, voilà l'hiver qui vient. Mais je conserverai quand même ce réduit, car peu de gens le connaissent et je pourrai venir y travailler quand cela me plaira. C'est la seule adresse que vous m'ayez jamais donnée. Mais je n'en ai pas d'autre. Et vous ne pouviez pas me rejoindre ailleurs qu'ici. Mais vous avez de la chance, ou plutôt nous avons de la chance de nous rencontrer, car je suis seulement rentré de voyage ce matin. Ce matin? Mais cependant, vous étiez à Château-Thierry mardi dernier. Oui. Et vous êtes seulement rentré ce matin? Oui, je me suis arrêté pour travailler pendant 5 jours à Meaux, où j'ai pris d'ailleurs une petite colère. Pourquoi? Je passe devant une école, la fenêtre était ouverte, je regarde. C'est si joli une école, n'est-ce pas? À propos, comment va le petit? Notre fils. Votre fils, oui. Il va très bien. Tant mieux. Donc, par cette fenêtre ouverte, je regarde, et qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'entends? Un enfant de 7 ans qui récitait tout haut une fable de moi. Eh bien? Comment eh bien? Mais en voilà une idée saugrenue, voyons, d'apprendre cela à des enfants. Je ne vois rien là que de très flatteur pour vous. C'est flatteur, en effet, si l'on veut. Mais c'est peut-être aussi me faire courir un grand danger, car de là à devenir une sorte de pince-homme, il n'y a qu'un pas, songez-y. Et puis, n'est-ce pas diminuer la valeur de mes fables que de s'en servir dans le but d'exercer mécaniquement la mémoire des enfants? Ces enfants seront un jour des hommes et sans doute conserveront-ils le plus mauvais souvenir de ces vers qu'ils auront appris de force sans les comprendre et qu'ils auront répétés comme des perroquets. Ils sauront par cœur 8 ou 10 fables de moi, soit, mais chercheront-ils à en connaître davantage? Ce qui arrive là, Jean, arrive un peu par votre faute. Par ma faute? Mais oui. Et si l'on dit de vous que vous écrivez pour les enfants... On le dit? Mais bien sûr. Mais pour quelle raison? Pour la raison d'abord que vous souhaitez dans votre préface que les enfants sucent ces fables avec le lait. C'est Platon qui le souhaite, ce n'est pas moi. Je répète seulement ce qu'il a dit. Je le fais dans un de ces élans de feinte modestie que décidément nous ne tardons jamais à regretter. Est-ce pour les enfants que j'ai écrit La jeune veuve et La femme noyée et tant d'autres, voyons? Il ne fallait pas non plus dédire au dauphin le premier recueil de vos fables. Je le regrette aujourd'hui. Pourquoi l'avez-vous fait? Parce que j'avais besoin d'argent. Mais décidément, nous ne devrions plus vendre nos dédicaces ni les uns ni les autres. Nous devrions nous dédier nos livres entre nous. Mais allez donc faire comprendre cela à Boileau. Enfin, quelle leçon pour moi, je vous le jure. Ah, j'écris pour les enfants. Eh bien, vous allez voir les contes que je vais publier. Je vous demande pardon de parler de tout cela, mais j'ai si rarement l'occasion de pouvoir dire tout haut ce que je pense que ma foi devant vous, je ne me gêne pas. Je vous en remercie. Et j'oublie de vous demander... votre santé. Je vais bien. Ne le dites pas tristement, c'est la meilleure chose de la vie. Pas quand on a tout cela. Eh bien, moi, je souffre beaucoup, depuis quelque temps, des épaules et des genoux. Je ne sais ce que j'ai. Voyez un médecin. Molière m'a fait jurer que je n'en verrai pas. Enfin, nous verrons. Alors, voilà, je vous écoute. Vous êtes pressé? Oui, enfin, pressé de savoir... Eh bien, Jean, je n'en peux plus. De quoi? De la vie que je mène. Je n'en peux plus. J'ai respecté votre silence jusqu'ici, mais je n'en puis plus. Et il faut que je sache à présent... Quoi donc? Mes torts. Oui, il faut que vous me disiez quels ont été mes torts envers vous. Vos torts? Mais il ne me semble pas que vous en ayez jamais eu. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi me fuyez-vous? Pourquoi, depuis un si longtemps, ne vous ai-je pas revu? Pourquoi, l'autre jour, étant venu à Château-Thierry, ne vous ai-je pas rencontré? Vous étiez au vert. Non, Jean, ne vous moquez pas de moi, je vous en prie. Vous n'êtes pourtant pas méchant, voyons. Si je vous avais fait du mal, je comprendrais que vous me laissiez mourir de chagrin, là-bas. Mais puisque vous me dites vous-même que je n'ai pas eu de tort envers vous, pourquoi ne suis-je pas près de vous? Il me semble logiquement que ma place est ici. Logiquement? Mais oui. Si j'étais là, ce cadre, tout de suite arrangé par moi, serait moins médiocre. Mais moins... je ne me plains pas. Non, vous ne vous plaignez pas, mais... Non, il n'y a pas de mais. Pourtant, voyons, ne puis-je pas te rendre heureux? Dis, je ne peux pas te rendre heureux. Regarde, tu me rends triste. Que suis-je donc pour toi? Le remords de ma vie. Et je n'aime pas qu'on me rappelle à chaque instant que j'ai fait le malheur d'un être délicat, sensible et charmant. Mais je ne dirai rien. Si tu voyais tes yeux, tes pauvres yeux. J'ai tant pleuré. Ne le dis pas, je t'en supplie. Vois-tu, je t'avais mal compris. Et il me semble maintenant que je saurais très bien te comprendre. Pourquoi maintenant? C'est une impression que j'ai. Tu ne veux pas me laisser essayer, dis. Tu ne veux pas que je reste là, près de toi? Je n'en ai pas envie. Oh. En que veux-tu? Je ne sais pas mentir en prose. Mais tu ne me hais pas, cependant. Te haïr? Oh, mon enfant, si tu savais. Si tu savais quels sont mes sentiments pour toi. Mais mon cœur s'emplit d'une tendresse inexprimable lorsque je pense à toi, et chaque fois que j'évoque ton cher visage douloureux, je suis ému, sincèrement. Alors, tu m'aimes donc? Mais oui, je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Oui, nous nous aimons. Puisque cela s'appelle également t'aimer. Il ne faut pas que cela soit un prétexte pour nous faire du mal. Ce n'est pas une raison de nous déchirer davantage. Si plaindre, c'est aimer, je t'aime. Et je t'aime alors parce que nous n'étions pas faits pour nous rencontrer. Le destin qui fait souvent bien mal les choses m'a confié un enfant de 15 ans, un trésor exquis d'innocence et de grâce. Je le sais parfaitement, mais il me l'a confié à un moment mal choisi. Il m'a doucement lié les bras à l'instant exact où ils allaient s'ouvrir pour embrasser la vie. J'ai voulu rompre le lien. Et j'ai laissé tomber le trésor qu'il m'avait confié. Et je vous ai fait du mal. Et je vous ai fait souffrir. Et je le sens aujourd'hui que je ne m'en consolerai jamais. On peut oublier peut-être le mal que l'on vous fait, mais on ne se console pas du mal que l'on fait, soit. À moins d'être une brute. Et je vous jure que je ne suis pas une brute. J'ai fait jusqu'à présent tout au monde pour vous oublier. Et je n'y suis pas encore parvenu. Mais si je vous avais oublié, je serais allé souvent vous voir, et l'autre jour, j'aurais attendu la fin des vêpres. Allez, si mon émotion avait été moins grande... Je vous fais souffrir en vous parlant ainsi. Atrocement. Eh bien, pardonnez-moi et laissez-moi, que voulez-vous? Mais il faut, croyez-moi, que vous me pardonniez, car si vous saviez ce qu'a été ma vie depuis... Depuis quoi? Depuis que j'ai tant de douleurs. C'est vrai. Et je m'en rends compte à présent, cela m'a aigri le caractère. Allez, je suis un étrange bonhomme. Et je vous supplie de m'oublier, vous, tout à fait. Je ne peux pas. Votre cruauté, quand vous me parlez, est moins cruelle. Et je souffre davantage quand je suis loin de vous. Ah non, non, ne dites pas cela. La nécessité pour vous de vivre auprès de moi doit être plus récente que vous ne le supposez. Pourquoi dites-vous cela? Il me semble... Alors, il y a un instant, quand vous m'avez dit que je n'avais jamais eu de tort envers vous, vous ne disiez donc pas la vérité? Et puisque vous supposez que j'ai pu m'accoutumer à ne pas vous voir... Vous avez donc à ce sujet des reproches à me faire? Oh, je vous en supplie, parlez. Parlez, ne gardez pas plus longtemps de silence abominable. Mais non, vous vous trompez. Ce n'est pas un reproche que je vous adresse. Je constate un fait. Et sans doute me suis-je mal exprimé. Je peux chercher l'explication de votre venue sans vous en faire un grief. Je ne prends pas votre visite pour un retour. Et je n'oublie pas que c'est moi qui suis parti et non pas vous. Et quand je vous dis que je n'ai pas un reproche à vous faire, croyez-moi bien. Vous n'avez jamais appris sur moi une chose mais qui... mais non, jamais. Je sais que autrefois, de vilaines suppositions avaient été faites au sujet de Poignant. Mais j'ai toujours su à quoi m'en tenir sur ce point. Poignant était mon ami, il avait une parole, il me l'a donnée. Et je vois qu'il a tenu sa parole, c'est bien. Que devient-il à ce propos? Qui donc? Poignant. Il vient de se marier. Ah, il vient. Il vient de se marier. Ah. Vous cherchez donc une explication à ma venue? Je ne la cherche plus. Je veux dire par là que j'ai parfaitement compris que ma visite l'autre jour à Château-Thierry vous avait incité vous-même. Tout simplement. J'attendais de vous la moindre manifestation. Elle s'est produite. Et si je vous supplie de me laisser vivre auprès de vous? Je vous supplie de ne pas me le demander. Écoutez-moi bien et tâchez de comprendre. L'existence que je mène est la seule, hélas, qui puisse me convenir. Et ce serait folie que de vouloir la modifier à présent. Il est trop tard, voyez-vous. Désormais, je veux me laisser vivre. J'ai fait quelques efforts pour être raisonnable, ils ont été vains. Je donne à mon travail ce que j'ai de meilleur. J'apporte un soin extrême à la composition de mes ouvrages. Et je me soucie fort peu du reste de la vie. Oh, je ne tiens pas pour exemplaire les habitudes que j'ai prises. Je sais seulement qu'il me serait impossible d'y renoncer à présent. Je ne veux pas que l'on me juge. Et je refuse de m'étudier moi-même. Je ne me demande pas si ce que je fais est bien ou mal. Je veux continuer à le faire à ma guise. Je veux avoir l'esprit libre et je veux être indépendant. Je ne pourrais supporter nulle chaîne, si douce fût-elle. À moins que je ne l'aie volontairement choisie. Le contrôle de mes moindres actions me serait intolérable. Mais je ne contrôlerai rien. Soit, mais votre présence m'obligera à me contrôler moi-même. Enfin, il faudrait renoncer à l'imprévu de la vie. Ne me le demandez pas, non. Cependant... Non, n'insistez pas. Vous pouvez bien essayer, voyons, tout de même... Non, je vous en prie, n'insistez pas. Méfiez-vous de moi, prenez garde. Déjà, je viens d'aller trop loin. Ne me poussez pas un peu. Je finirai par vous dire des choses... Quelles choses? Oh non, rien qui vous touche directement, non, des choses générales sur la vie, sur le mariage. Oh, mais je sais ce que vous pensez du mariage. On m'a dit les mots terribles que vous avez faits. J'ai lu Le Mal marié, et ce n'est pas en prose seulement que vous dites la vérité. Mais tout cela m'est égal. Je sais très bien l'homme que vous êtes, et c'est là le seul avantage que vous n'ayez pas sur moi. Car vous ne savez pas, vous, la femme que je suis. Vous n'avez plus devant vous la petite provinciale d'il y a 15 ans, le trésor exquis d'innocence et de grâce. C'est une femme qui vous écoute et qui vous répond. Et celle que j'ai été, elle est morte, celle-là, comprenez-vous? Et maintenant, je veux être celle que vous avez souhaitée. Celle? Il faudrait mettre ce mot au pluriel. Et que je sois parmi celles qui vous plaisent? Mais vous êtes parmi celles qui me plaisent. Je n'ai jamais cessé de vous trouver charmant. Et vous aimeriez volontiers m'avoir pour maîtresse? Je vous ignore dans ce rôle, mais j'ai souvent pensé que vous pourriez être une exquise maîtresse. Dame, vous m'aviez plu infiniment. Je vous trouvais jolie, gracieuse et très fine. Je vous ai désiré. Mes parents s'en sont aperçus. Avant même que j'aie eu le temps de vous le dire. On a eu peur d'un malheur. Et l'on nous a mariés hâtivement. Et un beau soir, vous étiez chez moi, dans mon lit, victime résignée, craintive et sans défense, dont je n'avais pas eu le loisir et l'agrément de faire la conquête. On vous donnait à moi, vous étiez ma femme, vous portiez mon nom. Un contrat nous liait pour toute la vie, et nos parents se réjouissaient en se disant, nous avons évité un malheur. Et ce crime-là se commet tous les jours. Et je n'aurai pas le droit de me révolter à présent parce qu'il est trop tard. Allons donc. Trop tard? Vous avez 30 ans, j'en ai 44. Et la vie serait déjà finie pour nous? Ah non. Nous avons humainement le droit de vivre. Si d'autres peuvent s'accommoder du mariage conçu de la sorte, c'est leur affaire. Mais je vous le demande à genoux. Ne soyons pas comme les autres. Soyons plus malins que les autres. N'ayons pas dans 20 ans des regrets superflus. Et dans ces conditions-là, avec les idées que j'ai, voyons, avouez-le. Comment voulez-vous qu'on soit ma femme? Pensez-vous sincèrement que je sois votre mari? Pas beaucoup. L'ai-je été? Quoi? Non, votre mari. Pas beaucoup plus. Eh bien, si peu que ce fut encore de trop. Et puis, enfin, on n'est pas le mari, voyons, c'est ridicule. Le mot lui-même est terrible, et il porte à rire. As-tu vu le mari? Est-ce que le mari est là, pourvu que le mari ne vienne pas? D'ailleurs, c'est insensé que, après tout ce qui est arrivé, il y ait encore des hommes qui se marient. Le premier homme qui s'est marié, mon Dieu, il n'y a rien à lui dire, il ne savait pas. Mais vraiment, le deuxième est inexcusable. Vous êtes terrible. Mais non, je ne suis pas terrible. Je dis tout haut ce que la plupart des hommes pensent tout bas. Oh. Quoi, mais cherchez, cherchez, regardez autour de vous, voyez dans tous les mondes. Et nommez-moi donc ceux qui sont vraiment heureux. Pour ma part, j'en vois peu. Et ne rencontre guère que des gens malheureux par leurs fautes et qui se plaignent de la vie. Et ceux qui ne se plaignent pas? Ce sont des résignés. Je préfère m'affranchir. Moi, je vous dis les choses en face, comme je les pense, parce que je suis sûr que j'ai raison. Et pour ne pas perdre ce qui peut nous rester de bonheur, je lutterai jusqu'au bout. Dussé-je passer à vos yeux pour le plus cruel des hommes? Mais vous détestez donc les femmes? Moi? Détester les femmes? Oh, grand Dieu, non. Car une femme, une vraie femme, c'est adorable, c'est charmant. Qu'appelez-vous une vraie femme? Une femme qui aime et qui est aimée. Alors pour vous, les autres ne comptent pas? Si, elles comptent le linge. Et les mères? Mais nous ne parlons pas des mères en ce moment, nous parlons des femmes. Eh bien, et les vieilles femmes? Oh, celles-là, je les consulte et je cause avec elles volontiers, car j'aime infiniment celles qui ont su vieillir. Bon, celles-là, vous les aimez infiniment, mais pour que vous les aimiez, simplement, comment faut-il qu'elles soient? Ah, il faut qu'elles soient très jolies. Qu'appelez-vous une femme très jolie? Toutes celles d'abord qui sont très jolies, et puis celles aussi qui me trouvent encore bien. Et si elles vous disent que vous êtes beau? Oh, je perds alors la tête. Car vous n'en doutez pas. Je me dis qu'il faut croire au miracle de l'amour et que tout est possible. C'est pourquoi je m'obstine à ne pas considérer l'amour comme une faute. Elle serait trop grave. Et l'infidélité comme une trahison. Elle serait impardonnable. Jean, vous plaisantez. Non, je ne plaisante pas, non. La fidélité n'est pas une qualité humaine, non. Une qualité dont on fait bénéficier qu'un seul être à la fois ne saurait être une qualité, non. L'indulgence, voilà la grande qualité. N'être pas l'ennemi des plaisirs de l'autre. On ne fait pas volontairement le bonheur de quelqu'un, voyons, c'est un hasard prodigieux. Rencontrer celle ou celui qu'on devait rencontrer, oui, ah, cela, oui, mais cela, n'en parlons pas. Et quand ce n'est pas cela, que ce soit la vie comme elle est. Et qui, mon Dieu, tout compte fait, est charmante tout de même. Ah, croyez-moi bien ne pas être l'ennemi. L'être, d'autant moins que quelques vantardises que nous ayons, les occasions pour nous ne sont pas si nombreuses. Il arrive un moment dans la vie où leur rareté nous les rend extrêmement précieuses. Quand on a dépassé la quarantaine et qu'on se dit en se regardant le matin dans son miroir, je n'en ai peut-être plus que pour 8 ou 10 ans. Cela, c'est terrible. Alors on se hâte et l'on pense qu'on trouve, et l'on fait mal les choses, et mon Dieu, c'est si peu de choses quand on y pense, le plaisir. C'est tellement fugitif et si doux. Ah, tenez, j'aimerais mieux voler plutôt que d'empêcher deux êtres qui s'aiment de s'embrasser. Quand on est jaloux, il faut se cacher. Comme on se cache quand on a la lèvre. Un homme n'a pas le droit de compromettre les minutes de bonheur qu'une femme peut avoir. Et qu'elle ne lui vole pas, car on ne vole personne. Et les baisers qu'on donne à l'un, on ne les aurait pas donnés à l'autre. Est-ce qu'on pense à l'autre quand on aime? Mais non. Et sachez que bien des gens très simples, que nous ne connaissons pas, ont compris la vie de cette façon-là et l'ont accepté sans se l'être jamais dit, sans en avoir jamais parlé, ou plus exactement, parce qu'ils n'avaient justement jamais parlé. Car il ne faut pas parler de ces choses-là, bien entendu. Seulement, voilà. Pour pouvoir ne pas en parler, il faut être d'accord. Eh bien, mais... Quoi? Mettons-nous d'accord. Qui, mon Dieu? Nous? Oui. J'ai bien peur. Essayons. Et dites-moi, cette liberté que vous réclamez pour vous avec une telle éloquence, me l'accorderiez-vous à moi également? Ne soyez pas ironique. Ironique? Il est inutile que je vous accorde une chose que vous n'hésiteriez pas à prendre si l'occasion se présentait. Oh, mais je... Quoi? Pourquoi faut-il alors que moi je vous l'accorde? Parce que votre assentiment m'est nécessaire à moi. Oui, écoutez-moi bien. Vous, femme, moi, homme, nous sommes très différents, vous savez, l'un de l'autre. Et si nous avons les mêmes désirs, nous n'avons pas les mêmes besoins. Après un certain âge, une assez grande tranquillité d'esprit nous est précieuse à ce sujet. Comment vous expliquer clairement la chose? Oui, enfin, nous aimons bien savoir qu'on ne cherchera pas à ouvrir la porte derrière laquelle nous nous cachons, notre confiance en nous n'étant pas absolue. Or, j'imagine que vous autres, les femmes, vous n'êtes pas faites de la sorte et que la crainte du danger ajoute encore du charme à la chose. Je pense enfin que pour vous, le fait de trahir ne saurait être un empêchement, bien au contraire. Votre passivité s'en accommode. Vous parlez volontiers de vos maris avec vos amants. Nous cherchons à oublier nos femmes dans les bras de nos maîtresses. La souffrance des autres augmente votre plaisir, elle compromet le nôtre. Et c'est la raison pourquoi je ne parviens pas à admettre que l'on se serve du mot « faute » pour désigner la trahison d'un homme d'âge, car véritablement, c'est plutôt une sorte de prouesse. Il lui semble alors entendre des pas dans l'escalier. Il écoute, mais il s'était trompé. Il continue. Et savez-vous ce qui est désolant? C'est que nous ne puissions pas parler librement devant vous. Il me semble, écoutez, que vous ne vous gênez guère. Mais si, je me gêne. Je me gêne depuis que j'ai compris que dans mes lettres, je vous avais déplu. Vous lui parliez constamment de vos amours. Et cela vous irritait, c'est dommage. Je ne pouvais pourtant pas m'en réjouir avec vous. Évidemment, mais c'est dommage. C'est dommage surtout pour vous, nos épouses, car nos maîtresses sont tellement plus adroites que vous. Ah, que vous luttez mal, mon Dieu. Elles savent si bien, elles, vous tolérer. Parce qu'elles sont les plus aimées. Soyez les plus aimables. Nous revenons toujours vers vous quand nos maîtresses vous dénigrent, souvenez-vous-en. Soit, je conviens de notre maladresse. Mais que voulez-vous, je suis peut-être un peu jeune encore. Pour comprendre, oui, c'est possible. Et justement, je suis navré quand je m'aperçois qu'après 15 années de mariage, une femme n'est pas assez devenue l'amie de son mari pour qu'il puisse tout lui dire, tout lui raconter. Mais oui, tout. Et jusqu'à ses petites conquêtes. Elle consent bien plus. Elle demande à partager ses peines et ses joies. Et s'il lui arrive à lui cette joie exquise de troubler une femme et de la sentir amoureuse de lui, il ne me sera pas possible de vous confier la chose. Il faudra que je cache en moi ce secret. Il faudra que je dissimule mon plaisir, que j'affecte un air ennuyé. Il faudra enfin que je mente et que je parle d'elle devant vous sur un ton d'indifférence et parfois de mépris. Et si je veux écarter complètement vos soupçons, il faudra même que je lui prête des amants à elle. Il me faudra donc mentir doublement. Et pourquoi ? Parce que je serai doublement aimé par elle et par vous. Quelle misère ! Or, justement, je voudrais bien ne pas mentir. Je vous en prie, ne m'obligez pas à mentir et à me cacher pour aimer. Et si réellement vous voulez vivre avec moi, que ce soit avec moi réellement que vous viviez, et non pas avec un être factice. Admettez que je sois une chose légère, et je ne suis pas tellement imparfait, puisque je ne veux pas me moquer de vous et vous tourner en dérision. Vous êtes trop jolie, trop jeune et trop intelligente pour jouer ce rôle ridicule. Je ne veux pas qu'on vous plaigne. Je veux que vous sachiez la vérité. Je veux, enfin du moins, je voudrais. Oui, je voudrais être infidèle sans être déloyal. Je voudrais vous savoir mon ami, faisant pour toujours partie de ma vie telle qu'elle est, quelle qu'elle soit, naturelle en un mot. Et je voudrais enfin laisser le souvenir d'un homme d'amour qui a aimé aussi sa femme. Hélas, je me rends compte en le disant que c'est bien trop vous demander. C'est beaucoup. Comment beaucoup ? Ce n'est pas trop vous demander ? Peut-être pas. Si vous compreniez cela... Je peux bien essayer. Hein, réfléchissez d'abord. Non, cela... Non, je préfère ne pas réfléchir. Je veux croire que vous n'avez pas seulement pensé à vous. J'ai confiance en vous. J'accepte. Je vous apporte donc votre liberté. Totale ? Absolue. Je fermerai les yeux. Je ne contrôlerai rien. Je serai votre ami. Mais vous serez le mien. Je l'ai toujours été. Si je suis libre, enfin... Vous l'êtes tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes libre. Alors laisse-moi t'embrasser. Que je profite immédiatement de ma liberté. Viens. Je suis libre enfin de t'aimer si je veux. Ce n'est plus un devoir, c'est tout de suite exquis. Alors, eh bien, mon Dieu, nous allons voir comment nous allons nous organiser. Et vous pouvez peut-être vous installer ici en attendant. En attendant quoi ? En attendant mieux. Mais vous ? Moi ? Cela se trouve très bien et vous allez pouvoir ainsi arranger les choses à votre guise. Je suis obligé d'aller passer quelques jours chez Madame de la Sablière. Je lui ai promis de faire pour elle ce que déjà j'ai fait pour Fouquet. Lui décrire en vers son hôtel et son parc, c'est l'affaire de quelques jours et puis c'est promis. Comprenez bien, n'est-ce pas, que vous arrivez dans une existence organisée. Mais je veux m'efforcer de comprendre les choses. J'en suis certain. Entrez. Qu'est-ce que c'est ? C'est une dame qui attend. Ah. La mimique de sa servante et ce A qui vient d'échapper à Jean font comprendre que la dame attendue vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est ? Rien. Voyons. Écoutez, aujourd'hui vous allez aller... Où cela ? Ah, attendez, je ne sais pas encore. Mais pourquoi ? Attendez. Est-ce que votre oncle n'est pas à Paris ? Cet homme délicieux que nous aimons si fort, je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? Il est bien à Paris en ce moment. Mais quoi ? Je ne peux pas rester ici ? Non, pas pour l'instant. Vous avez quelqu'un à recevoir ? Oui, vous allez donc sortir tout doucement par là. Oh, non ! Comment non ? Oh, pas aujourd'hui. Mais je croyais que vous aviez compris. Pas le premier jour. Nous pourrions fêter mon arrivée ensemble. Ah, je me suis donc mal fait comprendre. Que voulez-vous ? Je ne m'attendais pas. Que voulez-vous ? Je ne vous attendais pas. Oh. Anaïs, voulez-vous dire à cette personne qu'elle a la bonté d'attendre 5 minutes dans la salle à manger ? Car je tiens absolument à la voir. Fermez bien la tapisserie. Ah, comprenons-nous bien, car j'ai très peur, vous voyez, cela commence très mal. Il faut me laisser le temps de m'habituer. Vous n'en prenez justement pas le chemin. J'aurais voulu que ce jour fût un jour agréable. Et moi aussi. Qui est-ce ? Quelle étonnante question vous me posez, vraiment. Que voulez-vous que je vous réponde ? Qui est-ce ? C'est une femme. Mariée à un autre. Idéalement bête, d'ailleurs. Mais vous savez, plus j'y pense, plus je m'effraie du rêve que nous venons de faire. Ce n'était sans doute qu'un rêve. On se grise en parlant. Mais non, attendez, attendez. Ce n'est pas moi qui attends. Vous devez comprendre, n'est-ce pas, qu'il est extrêmement douloureux pour moi de penser que vous vous attendiez que je m'en aille pour recevoir une autre femme à qui vous allez donner... Rien de ce que je pourrais vous donner à vous-même. Et si vous me privez aujourd'hui du plaisir de la voir, vous n'en aurez hélas aucun avantage, ni moi non plus. Je vous dis qu'elle est idiote. Vous ne pouvez donc pas la remplacer. Mais il est bien évident que la réalité est tout à fait différente du rêve que je faisais. Les choses ne se présentent pas telles que je les avais souhaitées. Et cette première impression que vous avez, bien sûr, n'est pas favorable à l'exécution de ce projet qui, tout d'abord, m'avait semblé charmant. N'oubliez pas que je suis un poète. N'oubliez pas que vous êtes un homme et que je suis une femme. Mais oui, vous avez raison, vous avez mille fois raison. Et je crois qu'il nous faut avoir le courage de regarder la vie en face et de renoncer à cette espèce de folie que nous allions commettre, qui nous éloignait un peu de la vie quotidienne, banale. Monsieur, cette dame dit... Qu'elle attend une minute encore! Dites-lui que je désire absolument la voir, qu'elle attende. Voyez dans quel état vous me mettez. Je ne sais plus ce que je disais. Vous en souvenez-vous? Aidez-moi, s'il vous plaît, je disais... Vous disiez qu'il nous fallait avoir le courage de regarder la vie en face. Vous étiez en train de reprendre ce que vous aviez dit. Vous cherchiez à effacer ce rêve qui vous semblait charmant. Vous étiez sur le point de renoncer à un projet que vous chérissiez... Parce que je vous demande de retarder de quelques heures son exécution. Non. Mais si, c'est cela, exactement. Vous n'hésitiez pas entre moi et une autre femme que vous trouvez idéalement bête. Et dans un instant, si je vous laisse parler, vous allez me chanter les vertus de Château-Thierry et me dire que l'air qu'on y respire est excellent pour mes bronches. En ce moment, vous ne voyez qu'une chose, vous ne pensez qu'à une chose. Une femme est là qui vous attend, une autre est là qui vous ennuie. L'une est bête, l'autre ne l'est pas, tant pis. Et vous vous dites tout bas, je le sens, vous vous dites, le temps passe. Elle part ce soir. Ah, voilà, elle part ce soir. Et parce qu'elle part ce soir, vous êtes presque grossier avec moi. Je veux tout comprendre et tout supporter. Mais laissez à votre ami le droit de vous dire qu'il est pénible de voir le désir de Jean de La Fontaine surpasser son intelligence. Ne m'en veuillez pas trop de vous avoir dit cela. C'était tellement nécessaire. Je suis peu de choses à côté de vous, mais j'ai voulu vous donner raison à vous-même et vous prouver que, réellement... On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Tiens, vous connaissez ? Vos livres, Jean. Oh, mais je les connais par cœur. Mmh. Mais si, par cœur. Et vous les aimez ? Vous n'avez guère laissé le temps de vous en parler. Je n'ai pas voulu vous l'écrire, car je sais que vous n'aimez pas mes lettres. Mais je vous admire profondément. Vous avez fait depuis 10 ans, je n'ose pas dire des progrès, parce que le mot est bête, mais enfin, vous avez fait des choses merveilleuses. Merveilleuses, non. Mais si... Je travaillais, bien sûr, autant et aussi bien qu'il m'a été possible. Et puisque vous me parlez si gentiment de cela, je tiens à vous apprendre qu'il est déjà un peu question de l'académie pour moi. Cela ne m'étonne pas. Sachez également que j'ai presque terminé le 3e volume de mes fables. Déjà ? Mais oui, déjà. Peut-être ne vous rendez-vous pas compte de la somme de labeur que je puis fournir. Je travaille sans cesse. Pour vous en donner une idée, figurez-vous que ce matin, encore dans le coche, en rentrant, je m'appliquais à décrire ce que j'avais sous les yeux. Voulez-vous que je vous lise les premiers vers d'une fable nouvelle ? Avec joie. Eh bien, asseyez-vous et écoutez. Il sort un feuillet de sa poche, s'assied lui-même et commence à lire. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, deux forts chevaux... Un instant, pardon. Il prend la plume et fait une correction. Je vais mettre 6 chevaux. Il n'y avait que 2 chevaux et c'était suffisant pour le coche, mais pour l'oreille, il en faut 6. Je reprends. 6 forts chevaux tiraient un coche. Femme, moine, vieillard... Monsieur ! Quoi ? Cette dame dit que... Eh bien, qu'elle s'en aille, cette dame ! Qu'elle s'en aille, qu'on ne me dérange plus ! Allez ! Pardon, je reprends. Femme, moine, vieillard, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Quelque temps après. Nous sommes, c'est délicieux, à l'intérieur de ce pavillon, c'est ravissant. que Madame de la Sablière, comme c'est charmant, a fait aménager pour Jean de la Fontaine. Trois grandes portes-fenêtres s'ouvrent sur le parc. À travers les bosquets et les arbres, on aperçoit l'hôtel de la Sablière. Jean de la Fontaine est assis à la longue table bureau qui se trouve au centre de la pièce. Et il écrit. Portez, je vous prie, cette lettre à son adresse et veuillez en attendre la réponse. Et si cette dame n'était pas chez elle? Pourquoi dites-vous cette dame? Monsieur m'ayant donné l'ordre à mi-voix, j'ai pensé... Bien, bien, je me surveillerai moi-même désormais. Eh bien, si cette dame n'était pas chez elle, vous attendriez son retour. Je n'ai pas écrit le nom de cette dame, j'ai mis l'adresse seulement. C'est au deuxième étage. Bien, monsieur. Monsieur ne m'a pas répondu tout à l'heure au sujet de la représentation qui est déjà commencée. Déjà? Il me semble qu'on entend... À peine. Ouvrez les fenêtres, s'il vous plaît, afin que l'on entende mieux. Eh bien, j'en entends bien assez comme cela. Si vous pouvez approcher Madame de la Sablière, vous la prierez de bien vouloir m'excuser. Vous lui direz que je ne veux pas troubler la représentation, que j'en ai de loin tout l'agrément et que d'ailleurs... Je me promène dans le parc en travaillant. Bien, monsieur. Pouvez-vous me nommer quelques-uns des spectateurs? Je sais que Madame Ninon de l'Enclos est là. Je sais oui, que... Oui, cela suffit, merci. Décidément, je n'irai pas. Est-ce le programme que vous tenez à la main? Oui, monsieur. Laissez-le moi, voulez-vous? Merci. Prenez cette lettre. Allez, et s'il vous plaît, revenez vite. Le valet de pied s'incline et sort. Jean de la Fontaine, resté seul, écoute en rêvant ce nouvel air qui vient du parc. Comme il joue bien. Qui est-ce? Il consulte le programme. Lully. Tiens. Oh, si je me souvenais de cette chose que j'avais commencé d'écrire sur lui. C'était 5 ou 6 vers. Parmi tous ces brouillons, comment les retrouver? Il les cherche et les trouve. Les voici. Le Florentin montre à la fin ce qu'il sait faire. Il ressemble à ces loups qu'on nourrit et fait bien, car un loup doit toujours garder son caractère. Il prend la plume et continue. Comme un mouton garde le sien. Comme il joue bien, vraiment. Le voilà qui m'inspire et qui m'aide à trouver les mots dont j'ai besoin pour le dépeindre bien. Merci, Lully. Grâce à toi, mon poème a l'air un peu d'une chanson. Si je le terminais de la façon suivante, petits et grands dans leur prière. Mon rossignol, elle chante encore mieux. Mademoiselle Certain, j'ignorais son nom. La Fontaine a repris la plume et tandis qu'elle chante, il écrit. Comme elle achève sa chanson, il a terminé son poème. Petits et grands, dans leurs prières, disent le soir et le matin, « Seigneur, par vos bontés pour nous si singulières, délivrez-nous du Florentin. » C'est délicieux de se venger. Il s'est levé et se dirige vers le parc. Mais il aperçoit quelqu'un qu'il préfère assurément ne pas rencontrer, car vite, il revient sur ses pas et se dissimule derrière un paravent. Un instant plus tard, guidé par le valet de pied, Ninon de l'Enclos paraît. Elle est très belle encore, et l'on a bien l'impression qu'elle le sera toujours. Vous êtes sûr qu'il est dans le parc ? Il me l'a dit, madame. D'ailleurs, je ne le vois pas. Si madame veut entrer... Oui, je ne veux pas qu'il sache que je suis venue ici. Je veux simplement écrire quelques mots qu'il trouvera quand il rentrera. Elle s'assied à la table et prend la plume. La Fontaine, sans être vue par elle, a fait signe au valet de pied de se retirer. Vous avez du génie. Cessez d'être méchant. Vais-je signer ? Comment ? Ninon de l'Enclos, tout simplement. Oh ! Je suis prise ! Une fois de plus. Bonjour, mon ennemi. Je suis navrée. J'en suis ravi. Mais j'aurais deviné tout de suite, vous savez. Oh, vous connaissez mon écriture ? Je ne me connais qu'une ennemie. Ainsi, vous me trouvez méchant. Très. Pourquoi ? Voulez-vous me permettre de me retirer ? Ah non, j'ai la joie enfin de vous avoir en face de moi, d'être seule avec vous. Laissez-moi au moins vous regarder. Que je vois un peu comment cela est fait, une ennemie. Bien. En dites-vous du mal de moi, mon Dieu ? Je ne dis que la moitié de ce que je pense. Oui, mais les gens qui répètent les choses désagréables, ayant pris l'habitude d'en dire deux fois plus long qu'ils n'en ont entendu, j'en suis quand même renseigné. Mais c'est vrai, vous savez, c'est parfaitement vrai. Quoi donc ? Que vous êtes encore très jolie. Grossier ! Polissée ! Lourdeau ! Légère ! Parlez, vous en mourrez d'envie. Non. Je vous fais peur. Non ! Je vous déplais, tout simplement. Oui. Je hais votre caractère. Eh oui, vous êtes devenue l'esclave des bruits que vous faites courir sur mon compte. Vous voulez vraiment que je parle ? Je vous en supplie. Soit. Je désire... Toujours, alors. Vous êtes hors de cause. Vous pouvez dire hors de danger. Non, voulez-vous être sérieux pendant 5 minutes ? Vous demandez à un homme d'être sérieux ? Je ne vous reconnais plus, madame. Je peux vous étonner davantage, monsieur. Et si vous voulez bien me laisser vous entretenir d'une chose à laquelle je m'intéresse... Mais je vous écoute, madame. Eh bien, parlons de votre femme. De ma femme ? Oui. Quand on est marié... Mariage ? Oh non, madame, non. Parlons plutôt d'amour. Voilà que vous oubliez mon âge. Y pensez-vous ? Mais je sais que je suis vieille. Oui, mais vous êtes convaincue que vous êtes seule à le savoir. D'ailleurs, vous avez encore tant d'années à vivre et à supprimer. Tant que l'on se tuera pour vous. Et l'on se tue toujours. Je sais, oui. C'est la mode depuis 20 ans. Non, c'est depuis 25 ans que l'on se tue pour moi. 25 ans ? Ne restez pas debout, je vous en prie, madame. Vous me laisserez vous parler de votre femme ? Soit. Bien. Ils s'asseyent tous deux, l'un en face de l'autre, séparés par la longue table bureau. Pourquoi ne vous conduisez-vous pas ? Aïe. Quoi donc ? Vous souffrez ? Plus que je ne l'espérais. Oh. Je suis obligé de vous couper la parole. Oh, que j'ai mal. Vous avez vu le médecin ? Oui, malgré l'interdiction de Molière. Que vous a-t-il dit ? Il m'a dit que j'avais des douleurs. J'en aurais bien fait le pari. Il m'a dit que c'était du rhumatisme. Mais il a tout de suite ajouté, soyez content, car si ce mal est incurable, du moins il n'est pas mortel. Et je vous prédis que vous vivrez vieux. Donc il faut me réjouir, je souffrirai longtemps. Ah, c'est une invention du diable. C'est odieux, car je ne suis plus mon maître et je ne m'appartiens pas. Je ne peux même pas choisir la veille l'endroit où je consens à souffrir le lendemain. La douleur se déplace. Tout le temps, mais la coquine n'aurait pas l'idée de découcher un soir. S'il lui plaît de me prendre aujourd'hui les reins, j'ai beau faire, il faut que je m'incline et que je reste incliné. Je dois toujours profiter à l'instant des gestes que je peux faire sans douleur. Quand mes bras me font mal, je marche toute la journée. Ce soir, ce sont les jambes qui sont prises aussi, voyez mes bras. Je pourrais conduire à sa perte un balai de Lully. Depuis quelque temps, je n'ose même plus donner de rendez-vous pour le lendemain. Je suis aux ordres de mon mal. Chaque jour au réveil, j'examine mes mains, mes genoux, mes épaules et me passe en revue. Mais d'où cela vient-il, le rhumatisme ? Cela vient du grec rhuma. Mais ce n'est pas un mal qui tue. Il ne me quitte pas, il m'accompagne partout où je vais. Il exaspère mes désirs et me fait regretter chaque matin les plaisirs que j'ai pris la veille. Mais ce n'est pas un mal qui tue. Et c'est un peu comme une femme quand j'y pense. Oui, c'est une femme. Une autre, intolérable, à laquelle pourtant il faut que je m'habitue puisque nous devons vivre ensemble et que nous sommes inséparables. Cela ne tue pas, Cela énerve, cela tourmente, cela fait du mal, se déplace sans cesse, mais est toujours là. Hein? C'est tout à fait une femme, une autre, en plus. Avouez vraiment que c'est une malchance d'être bigame pour un homme qui déjà n'aime pas beaucoup le mariage. Méchant. Vous vouliez que je vous parle de ma femme. Eh bien, tenez, c'est fait. Méchant, méchant. Tiens, pardi, je voudrais vous y voir. Vous avez choisi les hommes, vous, maligne. Mon Dieu, mon Dieu. Que vous a-t-elle donc fait? Elle m'a fait rien. Elle ne m'a rien fait. Elle vous a tout de même fait un enfant. Oui, de force. Et je regrette de l'avoir signé. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je n'ai pas entendu. Rien. Je n'aime pas collaborer. Quoi? Rien. Vous récriminez sans cesse. Mais croyez-vous donc que cela soit bien agréable pour une femme d'être la vôtre? Essayez votre force. Oh, non! Pourquoi? Parce que je vous regarde vivre depuis quelque temps. Et alors? Ce n'est pas très joli. Vous n'avez pas vu tout faire. Tant mieux pour vous, car je vous mépriserai sans doute davantage. Vous me méprisez donc? Oh oui! Mais pourquoi? Parce que vous vous prostituez. Tiens. Oui, moi, je vous le dis. Et? Et je m'y connais. Mais pas aussi bien que vous. La quantité n'est rien, mais il faut choisir, monsieur de La Fontaine. Or, vous, vous prenez tout. Les femmes de chambre, les bourgeoises, les paysannes. Oui, je ne suis intransigeant que sur la question d'âge. Et jusqu'à quel âge allez-vous? Jusqu'au vôtre, madame, inclusivement. Donc, vous ferez bien de vous hâter. Je ne suis pas pressée, monsieur, de déchoir. Et cependant, c'est une idée. Oui, me donner à vous pour le rachat de mes péchés. Oh, ne partez pas sur cette idée, madame. Ne soyez pas trop exigeante. Je ne suis pas le couvent des grands cordeliers, moi. Mais... Ils sont 500 ou 600. Vous m'énervez, monsieur de La Fontaine. Eh bien, madame, emportez-vous. Grossier. C'est la seconde fois que vous me dites ce mot. Vous répétez vous-même vos mots, madame. Prenez garde, monsieur. Moi aussi, j'ai de l'esprit. Mais qu'il entre, madame, et qu'il soit des nôtres. Ah, vous vous flattez d'être mon ennemi. Vous franchissez le seuil de l'endroit qui m'est réservé pendant que je n'y suis pas. Vous vous servez de ma plume pour me donner une leçon que je ne vous demande pas. Vous estimez que je me prostitue. Vous venez me le dire en face et vous prétendez que c'est à vos beaux yeux que je dois justifier ma conduite. Mais pour quelle raison? Quels sont vos droits, madame? Et non contente encore de critiquer ma vie, vous vouliez mettre un comble à vos hostilités en vous donnant à moi? C'était pour me châtier. Oui, mais c'est que je n'ai pas commis de crime, moi, madame. J'y renonce, d'ailleurs. À vous regarder mieux, je m'aperçois que le châtiment serait par trop sévère. Vous vous êtes alourdi, votre œil s'est éteint, votre rictus s'est trop marqué. Vous auriez dû vous surveiller depuis 10 ans. Vraiment, vous n'êtes pas assez distingué de corps pour supporter l'inélégance. Et puis... Sans la perruque, j'ai très peur. Décidément, oui, c'est trop tard. Et je préfère vous laisser aux autres. Que faites-vous? Une fable. Vraiment? Oui, madame, et souffrez que je vous la dédie. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs, apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers son repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bon pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Adieu, madame. Ah, non! Ce n'est pas quand vous avez du génie que je vais m'en aller. Cessons de nous haïr pendant quelques instants, voulez-vous? Vous ne pourrez pas faire mieux que ce que vous venez de faire, et vous me devez quelque chose à présent. Ces 8 vers adorables, il faut me les payer. Fixez-en le prix. 2 minutes de patience et d'attention. Je suis à vos ordres. Si c'était vrai, mon Dieu! Que m'ordonneriez-vous? De cesser d'habiter chez Madame de la Sablière. Votre place n'est pas ici. Non! Retournez auprès de votre femme, dans votre petit logis modeste. Elle est là-bas qui vous attend. Navrée, désolée de n'avoir pas eu de vos nouvelles depuis 4 grands jours, malgré la promesse que vous lui aviez faite. Comment le savez-vous? Je l'ai vue ce matin, oui. Sachant qu'elle était malheureuse, je me suis permis de lui rendre visite et je l'ai consolée. Mais je vous ai laissé la bonne part. Allez, croyez-moi, et tâchez de la rendre heureuse. Je voudrais tellement la savoir heureuse. Eh bien, vite! Allez la rejoindre. Mais non, madame, non, je la connais mieux que vous et je sais bien ce qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut, c'est son mari. Oui, mais le rôle n'est pas de mon emploi. Le mariage est une comédie et je n'ai pas le génie de Molière. Vous avez le vôtre? Eh bien, on me laisse faire mes fables et les vivre. Vous voulez donc que votre inconduite soit notoire? Je veux que vous m'aidiez à la rendre notoire. Prenez garde, on vous juge très sévèrement. Qui me juge? Paris! Qu'appelez-vous Paris? Est-ce ce petit noyau véreux d'individus devant lesquels on tremble lorsqu'ils sont réunis et dont chacun séparément nous semble méprisable? Je voudrais bien savoir quels sont ceux qui me jugent. Est-ce un homme droit, loyal? Est-ce une femme honnête? Est-ce un confrère de talent? Est-ce tout simplement une femme jolie? Oui, vraiment. Je vous demande qui, dans le monde où vous vivez, peut s'arroger le droit de me donner des conseils sans me donner d'exemple. Ah, l'on me juge sévèrement. Ils s'intéressent à ma vie privée et ils la condamnent. C'est qu'ils n'ont pas trouvé de vers médiocres dans mes fables, allez. Que mon troisième volume soit mauvais, ils ne s'occuperont plus de ma vie privée, je vous le jure. Qu'ils me jugent et qu'ils me condamnent, c'est bien. Je ne me défendrai pas. Je veux être à leurs yeux la cause unique de nos dissentiments intimes. Je suis pervers et raffiné à ma façon. Je ne déteste pas l'injustice des autres. Je ne vous comprends pas. Tant mieux. Je sais qu'elle vous aime. Je sens que dans le fond, vous ne la détestez pas. Je n'ai jamais détesté personne, madame. Et je lui donnerai volontiers ma vie. Toute ma vie, s'il le fallait. Mais c'est mon existence qu'elle veut. Jour par jour, heure par heure. Vous semblez oublier. Oublier. Malheureusement, non. Pourtant, elle m'a raconté... C'est qu'elle a voulu seulement que vous sachiez. Vous ressemblez, madame, à ces personnes mal éduquées qui viennent au spectacle avec un grand retard... et qui disent au dénouement, je n'aime pas beaucoup cette comédie-là, croyez-moi. Ne vous faites pas d'opinion sur nous, puisque vous n'avez pas vu le premier acte. Racontez-le-moi. Non. Si, je voudrais savoir. Que se passe-t-il au premier acte? Eh bien, madame, au premier acte, il arrive au personnage principal une aventure déplorable. Imméritée? Imméritée. Oui. Ce malheur qui lui arrive, ne l'avait-il pas mérité? N'était-ce pas un peu comme une punition? Ne lui rendait-on pas l'appareil? Sans rien savoir... Je me permets de vous le demander. Sans rien savoir, vous savez tout, je vois. Répondez-moi. Eh bien, madame, il n'est pas toujours à souhaiter que les malheurs soient mérités. Devant une injustice, on se raidit, on se révolte. On peut lutter et vaincre même. Tandis que lorsqu'on doit supporter les conséquences d'un châtiment même équitable... On se corrige. On se résigne. Et l'on se cherche alors une attitude. Et l'on affecte une indulgence excessive. Et lorsque le chagrin s'apaise, et qu'on n'a plus au cœur qu'une vague amertume, on met un peu d'or dans ses idées, et l'on croit que cela fait un philosophe de plus sur la terre. Mais ne lui avez-vous pas dit, il y a de cela quelques jours encore, que la fidélité, à vos yeux, n'était pas une qualité humaine et que vous n'y attachiez pas une grande importance? Elle s'en est souvenue et vous l'a répété. L'avez-vous dit? Oh, j'en ai bien dit d'autres que je ne pensais pas. Pourquoi le lui avez-vous dit? Pour qu'elle n'ait pas trop de remords et n'attribue pas à sa faute mon éloignement. Quoi? Cette faute alors vous semble impardonnable? Impardonnable. Vous n'avez plus confiance en elle? C'est en moi que je n'ai plus confiance depuis ce jour fatal. Les mots qu'elle m'a dit, son attitude, ses regards m'ont bien donné l'impression qu'elle vous restera fidèle désormais. Qu'elle lui restera fidèle désormais, et c'est pour lui rester fidèle qu'elle revient vers moi. Voilà le rôle qu'elle veut me faire jouer. Ce ne sont pas mes illusions à son sujet que je regrette, c'est ma crédulité quant au serment des autres. Elle, si pure, me trahissait. Pouvais-je ne pas me mettre à douter de tout, madame, désormais? Vous ne croyez plus à rien? Même pas à votre inimitié. Mais n'allez-vous pas faire quelque chose pour elle? Si, pour lui faire courir sa chance d'être heureuse encore, je vais essayer de la remettre dans la mauvaise voie. Mais je vous en conjure, sur tout ceci, gardez-moi le secret. Vraiment? Vraiment. Toujours? Tant que vous serez belle. Vous voilà condamnée pour toujours au silence. Il a baisé la main que Ninon de l'Enclos lui tendait, et de nouveau le voilà seul. Il l'avait accompagné jusqu'au seuil de la porte du fond, et il la regarde s'éloigner dans le parc. À cet instant, mais par la porte de gauche, Mademoiselle Certain, son rossignol, entre en courant comme quelqu'un qui joue à cache-cache. Jean se retourne alors, et les voilà nez à nez. Vous? Mon rossignol, mon méchant petit rossignol qui s'est envolé. Vous m'en voulez? Si, je t'en veux. Écoute bien. Il cherche et trouve le feuillet sur lequel, tout à l'heure, il s'est vengé de Lully. J'écoute. Le Florentin? Mais il la regarde. Es-tu heureuse? Réponds la vérité. Es-tu heureuse? Follement. Il déchire alors le feuillet qu'il a à lire. Remercie-le pour moi. J'ai suivi vos conseils. Mais oui, et ses conseils aussi. Tu chantes encore mieux. J'ai fait des progrès. C'est toujours lui qui t'accompagne? Quand je chante? Mais pas quand je sors. Alors viens me dire bonjour un matin, ici, maintenant. Mais avec joie. Tu viendras? Oui. Tu n'as pas honte? Non. Je n'ai rien oublié, vous savez. Elle s'approche un peu de lui. Et tu n'as pas fait que des progrès vocaux, tu me sembles embellie. Oui, peut-être aurez-vous d'agréables petites surprises. Il veut la prendre par la taille. Mais non, pas aujourd'hui. Ne me touchez pas. Pourquoi? Ma robe est neuve. Oh, pardon. Elle est très belle. Elle est brodée. Oui, je vois. Mais je vois bien des bijoux aussi. Dame, c'est naturel, puisque je chante bien. Peut-être que tu joues aussi la comédie. On m'appelle. C'est lui ? Oui. Comme il dit bien ce qu'il veut dire. Obéis vite. Un baiser, cependant. Oui. Elle le lui donne du bout des lèvres et s'échappe. Jean restait seul, ramasse et réunit les morceaux du feuillet qu'il a déchiré tout à l'heure. Mais il y renonce vite. Bon, je le sais par cœur. Madame de la Sablière paraît à la porte du fond. Je peux entrer ? Oh, madame, je vous en prie, vous êtes chez moi, donc chez vous. Pardonnez-moi de n'être pas allé à la représentation. Je n'aime pas à me montrer. Vous êtes en effet chez vous, je vous l'ai dit, je vous le répète, et je vous supplie de bien le croire. Ce m'est une si douce joie de vous savoir ici. Et je le disais tout à l'heure encore à l'un de vos amis, les trois choses que j'aime le plus au monde, mon chien, mon chat et la fontaine. Je ne déteste pas cette compagnie. Ce pavillon vous plaît-il toujours ? Il me semble que je n'effacerai jamais de ma mémoire le souvenir de la première nuit que j'y passais. Aurons-nous le plaisir de vous avoir à souper ? Ah non, pas ce soir. Vous attendez quelqu'un ? Quelqu'un n'est pas le mot. Quelqu'une eût été plus exact. Peut-être, oui. C'est une idée que j'attends pour ce soir. Une idée particulière et qui m'enchante. Je souhaite qu'elle vous vienne. Elle me viendra, je pense. Il me semble déjà qu'elle est en chemin. Je m'en voudrais de retarder sa venue. J'apprécie votre infinie délicatesse, madame. Faudra-t-il faire dresser deux couverts ? Deux couverts ? Cela ne mange donc pas les idées ? Non, je nourris mes projets moi-même et mes idées. Mais pour vous ? Quelques fruits, s'il vous plaît. Bonsoir, poète. Pourquoi souriez-vous, madame ? Je pense à votre idée et je la vois d'ici. Vous la voyez, vraiment ? Oui. Qui vous cherche dans l'allée. Bonsoir. Bonne idée. Merci. Elle fait quelques pas vers la porte, puis au moment d'en franchir le seuil, elle se retourne. De nouveau, je voudrais être un soir une de vos idées. Quelle idée ? Il lui envoie un baiser et elle s'éloigne. Je ne serais pas fâché d'avoir encore cette idée-là. Il fait presque nuit dans le parc, déjà. Mais oui, c'est vrai que l'on marche dans l'allée. Voici la réponse, monsieur. Le valet de pied s'efface et disparaît, sitôt qu'est entrée une femme encapuchonnée de soie noire. Viens, viens, réponse que j'attendais, viens que je te décachette. Il lui a retiré sa cape vivement, et madame de La Fontaine apparaît. Mais Jean, que se passe-t-il ? Pourquoi ce rendez-vous ? J'avais très envie de vous voir. Il n'est rien arrivé de grave. Rien du tout. Vous n'êtes pas souffrant davantage. Au contraire. Pourquoi m'avoir recommandé de venir voiler ? Pourquoi ce billet bref, étrange, impératif ? Pourquoi ce valet de pied au sourire complice ? Pourquoi tout ce mystère ? Je l'aime dans l'amour. Dans l'amour ? Oui, c'est un rendez-vous d'amour que je vous ai donné. Il m'eût été facile d'aller vous rejoindre, mais j'ai préféré vous faire venir. Et c'est ici que je voulais vous reprendre dans mes bras. Pourquoi ? Où sommes-nous ? Qu'importe. Nous ne sommes pas chez nous. Il ne faut pas qu'on sache que tu es là, c'est exquis. J'ai très envie de toi, tout simplement. Tout simplement ? Eh bien, et moi ? Toi ? Mais j'espère bien que tu n'en as pas du tout envie. Du tout ? Enfin. Non, vraiment, ce serait trop facile. N'est-ce pas ? Me laisser pendant 4 jours sans nouvelles de toi ? Te dire, viens dans mes bras et que tu t'y blottisses. Oh, non, vraiment. Ce serait trop facile, en effet. Or, il faut que ta chute soit une victoire pour moi. Je t'attends depuis 1 heure, je te désire. Je t'imagine en fermant les yeux, je les ouvre et je n'ai aucune désillusion. Tu es telle exactement que je t'avais souhaitée. Tu as mis la robe que je voulais. Tu ne la connaissais pas. Je la voulais toute blanche. Tu me voulais aussi réellement telle que je suis. Oui, rougissante et sans tendresse dans les yeux. Je n'ai pas rougi. Si, tu as rougi quand je t'ai dit que j'aimais ta robe. Mm-hmm. Et tu vas rougir encore si je te dis que mon désir pour toi grandit à chaque seconde et qu'aussitôt que je t'aurai dans mes bras. Je ne veux pas rester. Tu succombes déjà. Touche mes mains. Elles sont glacées. Pose-les sur mon front qui brûle. Écoute-moi. Je t'aime, je t'aime. J'ai souffert, et si je souffre moins, je suis quand même endolori. Ne me regarde pas, non, non. Ferme les yeux. Ne cherche pas à deviner ce qui se passe. Tu ne comprendrais pas. Laisse-moi t'embrasser. Non, non, ne bouge pas. Tu me grises. Je t'aime. N'est-ce pas que tes mains se réchauffent un peu ? Ne te résiste pas. Oh, je t'aime ce soir d'une façon nouvelle, comprends-tu ? Il me semble en effet que tu me désires pour la première fois. Ta voix n'est plus la même et je ne reconnais pas ton regard. Si tu crois que tu es la même, toi, en ce moment. Suis-je mieux ? Tu es très bien. Tu es surprise et tu sembles ravie. Et dans l'obscurité qui descend doucement, je ne vois presque plus tes yeux. Mais je sens que tu me regardes. Oh oui, je vous regarde. Tu me dis vous ? Pardon, mais tu es tellement différent de toi-même que cela me gêne un peu de te tutoyer. Et les mots qui me viennent aux lèvres me font peur. Oh non, va, parle, n'aie pas peur. Dis tous les mots qui te viendront. Et ne me prive pas davantage d'une sensualité dont j'exige ma part. Eh bien, Jean, je ne résiste plus. Et je te remercie d'avoir eu ce soir cette exquise pensée de me donner un rendez-vous. Un vrai, le premier. Et de me parler à moi comme tu parles aux autres. Tu me traites enfin comme une femme. Oui, je sens que pour la première fois près de toi, je suis une femme. D'ailleurs, la brièveté de ton message m'avait fait deviner la chose. C'était un ordre amoureux. Je n'osais pas, je ne voulais pas y croire. Et pourtant, malgré moi, je suis venue vers toi comme on va vers l'amour. À présent, je ne sais plus qui tu es. Je ne sais plus qui je suis. Je ne veux pas savoir où nous sommes. Je sens que tu me désires et il me semble que je vais commettre une faute sans être coupable. Je comprends ce soir tout ce que tu m'as dit l'autre jour. Oh, que tu avais raison. Tâchons de n'être pas comme les autres. Quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est venu me voir hier... Je sais. Elle m'a dit des choses très bien. Elle m'a dit qu'être aimé, c'était notre raison de vivre et que l'on est toujours aimé à condition de ne pas cesser de l'être. Elle m'a dit, pour être désirable aux yeux de tous, il suffit qu'un seul nous désire. Elle m'a dit de sourire à ceux qui m'aiment et de craindre ceux qui me plaisent. Elle m'a redonné confiance en moi-même. D'un mot, d'un geste, tu viens d'achever l'œuvre commencée. Et les instants que je vis en ce moment effacent tous les pleurs que j'ai versés. Je suis heureuse d'être aimée. Je pense à ce qui va se passer tout à l'heure. Et j'en frémis de plaisir. Peut-être que le réveil sera plus terrible encore. Qu'importe, j'aurai vécu ce soir. Il me semble que je m'expose à un très grand danger et je n'ose pas me demander si je me donne à toi ce soir pour la première ou pour la dernière fois. Surtout ne me le dis pas. Je ne veux pas le savoir. Ne me dégrise pas. Serre-moi dans tes bras. Je suis infiniment troublée. Et je n'en reviens pas de te parler d'amour. Tu en parles très bien. Je n'espérais pas tant. J'aime à te voir troublée. Je l'ai tant désiré pour toi, ce trouble nouveau qui te fait si nouvelle à mes yeux. Tu te révèles à moi. La Fontaine en a la parole coupée. Elle écoute comme lui et semble comme lui trouver cette voix ravissante. Jean de la Fontaine, doucement, a repris sa femme dans ses bras. Et dire que tu pouvais me priver d'une telle maîtresse. Car n'est-ce pas qu'en ce moment tu es ma maîtresse, dis ? Et tu comprends enfin que l'amour n'est pas un acte grave, mais non, ce sont les maris qui font courir ce bruit. Mais les maris, ce sont des sots. Ne répète jamais au tien surtout que je t'ai dit cela. Car, je ne me trompe pas, tu es mariée, n'est-ce pas ? Oui, je suis mariée. Pauvre petite malheureuse, je te le ferai oublier, va ton mari, tu verras. Tu viendras me voir ici souvent, n'est-ce pas ? Sans rien dire à personne. Tu peux toujours venir, n'importe quand, moi, je suis libre. Mais je te croyais mariée. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Comment était ta femme ? Elle était mariée. Mais je croyais que tu aimais les femmes mariées. Celles mariées aux autres, oui. Elle t'a fait souffrir, ta femme, dis. Tu peux bien me le dire à moi. Elle a peut-être été... Non, ne parle pas d'elle, veux-tu ? C'est tout de suite moins drôle. Parlons de lui, plutôt. Un cocu, c'est toujours comique. Mais je... Quoi ? Mais j'en sais... Quoi ? Viens, viens donc, tu vas voir. J'aime assez, mon amour, j'aime assez que ce soir, nous me fassions cocu, tous les deux, à mon tour. Elle répond soudain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ainsi se termine Jean de La Fontaine, comédie de Sacha Guitry, interprétée par Michel Bouquet, Simone Renan, Lucie Dolène, Jacqueline Morane, Suzette Maïs, Geneviève Morel, Solange Certain, Lucien Natte, Jean Topard et Pierre Vernier. Présentée par Roland Ménard, accompagnée au clavecin par Jean Viennaire et mise en onde par François Billet-Doux.